Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette émission de rentrée sur nos ondes. Très heureux, on attaque cette rentrée avec du lourd puisqu'il va être question dans cette émission de la commune nouvelle, Val-sur-Rhône. Les trois maires concernés par cette commune nouvelle sont dans nos studios ce matin. Merci d'être là, Régis Petit, maire de Bellegarde, Patrick Péréard, maire de Châtillon, Christophe Maillet, maire de Lancran. Le sujet de la commune nouvelle est à la fois simple et complexe. Simple parce que le contexte politique conduit à un regroupement, une fusion, une création. Complexe parce que l'on touche au territoire, leurs habitants, leurs habitudes, leurs identités. Et à propos d'identité, justement, mais c'est un trait d'humour, même avec les fusions qui datent maintenant de quelques années, un Arlaudien n'est pas un Bellegardien, un Vouvrezan n'est pas un Châtillonnais, etc., etc. Bon, ça c'était pour le sourire, vous l'aurez compris. Pour en revenir à nos boutons très vite, la commune nouvelle Val-sur-Rhône, c'est bien, c'est pas bien, dans tous les cas, dans chaque conseil municipal, il y a quelques jours, c'était lundi soir, une délibération a été prise à la grande majorité pour cette création. Et maintenant, que vais-je faire ? L'accueil de mon ami président, Guy Catelan. Merci Robert. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, messieurs les maires, Régis, Patrick et Christophe. Robert vient de faire une introduction, comme toujours, chargée d'un certain humour. Il n'empêche que, effectivement, cette nouvelle commune pose déjà quelques questions. Des questions que nous allons, bien évidemment, pouvoir résoudre aujourd'hui, en tout cas, j'espère, dans la grande majorité des cas. Parce que, effectivement, la population de Bellegarde, de Châtillon et de Lancran se pose, malgré tout, quelques questions. Comment va s'appeler mon quartier ? Est-ce que je vais changer d'adresse de rue ? Tout cela, bien sûr, on va le débattre et on sait que rien ne changera. C'est la nouvelle commune, c'est Val-sur-Rhône. Lancran, ce sera Lancran. Châtillon, ce sera Châtillon. Et Bellegarde sera Bellegarde. En tout cas, merci beaucoup, messieurs les maires, de nous avoir honorés de votre présence, de nous honorer de votre présence et d'avoir répondu à cet appel. Cet appel qui, il faut bien le rappeler, est en adéquation avec les gens qui habitent ces trois communes aujourd'hui. Donc les débats, les pourparlers ont commencé il y a déjà quelques mois. Hein, vous m'aviez dit il y a quelques instants, ça fait 8 à 10 mois qu'on est sur le qui-vive pour mettre en place tout ça. Il y a une charte qui est mise en place également. Nous allons pouvoir discuter de tout ça. Et merci de votre présence. On en parle depuis début d'année, où dans les trois cérémonies des vœux, vous l'avez tous dit. Voilà, vive la commune nouvelle. Et ça fait des années que Régis Petit en parle. Ah oui, même plus que ça. Bien plus que ça. C'était dans la tête depuis, je ne sais pas combien d'années, mais depuis très longtemps. Oui, j'ai l'air d'être un vieux maniaque. C'est vrai que... Alors, j'en parlais pas forcément sous cette forme. J'évoquais quelque chose de plus large encore, mais j'avais tort en réalité. Aujourd'hui, la forme qu'on a retenue, qui renvoie une vraie réalité territoriale de centralité, hein, c'était la forme la plus accomplie, c'était le chemin le plus vertueux qu'on pouvait parcourir à ce stade. Mais c'est vrai que depuis de nombreuses années, mais j'étais pas le seul, hein, je ne reste pas le seul. Vous verrez qu'un certain nombre de mouvements tout autour de nous, un mouvement de concentration de communes, va s'opérer ou est en train de s'opérer. On en reparlera peut-être, ou on en parlera peut-être. Mais en tout cas, évoquer le pôle de centralité, évoquer les 17 000 habitants de ce pôle de centralité, travailler à cette perspective, réussir cette perspective, transformer l'essai, créer cette commune nouvelle... C'est vraiment quelque chose, non pas d'inespéré, parce qu'on a beaucoup travaillé pour la mettre en œuvre. Mes deux collègues en particulier vous le diront, hein, ont fait beaucoup, beaucoup de pédagogie. Sans doute avaient-ils davantage à en faire que le maire de la ville-centre, hein, pour plein de raisons, dont on pourra aussi parler. Mais aujourd'hui, moi, je suis très, très heureux. Et même si, en effet, Guy, tu le disais, il y a... des tas d'obstacles encore à dépasser. En tout cas, il y a une pédagogie qui reste à faire et qui restera à faire pendant sans doute encore de nombreux mois pour vaincre les dernières barrières et les dernières réticences ou les dernières angoisses ou les dernières inquiétudes, en tout cas. Mais à ce stade, je pense qu'on a toutes les raisons d'être très, très heureux. On aura l'occasion, on est là tous les trois pour l'expliquer, pour expliquer nos motivations profondes. et le rythme qu'on a finalement retenu pour aboutir à cette perspective. Est-ce que la commune de Châtillon et Langran se sont sentis contraints et forcés? Patrick Hippler. Bonjour à vos auditeurs de Sorgi FM et du Pays Belgardien. À aucun moment, on s'est senti forcé. Bien au contraire, vous savez, il y a un moment qu'on se parle entre nous, un moment qu'on a appris à se faire confiance au sein de la communauté de communes notamment. Et quand il y a une décision à prendre, on la prend. On en a déjà fait preuve à plusieurs reprises au sein du Pays Belgardien. Simplement, nous, ce qu'on voulait avec Christophe et Régis, c'est mettre en adéquation, en fait, les compétences qui vont rester demain aux communes avec celles que le citoyen, lui, pense que la commune exerce. Et Régis l'a dit, et moi j'ai fait beaucoup de pédagogie, j'ai rencontré plus de 250 personnes dans des réunions très ouvertes, hein, de 10 à 20 personnes, et je me suis rendu compte que le citoyen lambda était un petit peu en décalage par rapport aux compétences exercées par les communes. Ce dernier pensant que la commune est encore, on va dire, maître dans tous les sujets. Bien au contraire, et ça c'est un constat que nous avons fait, l'État, depuis ces dernières années, a considérablement vidé les mairies et les communes de leurs compétences pour les envoyer soit à la communauté de communes, soit au département, soit au pôle métropolitain, ici ou là. À tel point que nous, notre challenge était de mettre en phase l'organisation territoriale avec les compétences de demain. Voilà. Très souvent, on parlait de réseaux sociaux, très souvent on a des messages, il y a trop d'élus en France, mais qu'est-ce qu'ils font? Et nous, au niveau territorial, on s'organise pour vraiment être en cohérence. C'était ça le challenge. Dernier challenge, c'est que tout va changer, mais rien ne va changer pour le citoyen. Et c'est ça, en fait, le challenge de demain et sur quoi on est en train de travailler. L'administré pourra retrouver à Châtillon, à Langran, sa mairie comme hier. Donc, pour lui... À Bellegarde aussi. Ah oui, j'avais oublié, mince. Mais à Bellegarde, bien évidemment. Mais c'est vrai que le sujet, Régis l'a dit, c'est beaucoup passé, en fait, dans les communes satellites de Châtillon et Langran. Voilà. Même sentiment, Christophe Rayet. Après, peut-être que l'historique est différent, parce que si on fait un peu d'historique sur l'ancien conseil municipal du temps de Pierrot Gavin, moi j'étais vice-président au niveau du CDFA, j'étais aussi beaucoup impliqué au pôle métropolitain, donc on a pu réfléchir sur la vision du territoire et sur les mouvements des territoires et comment se positionner face à un territoire qui bouge beaucoup. Donc j'allais dire que la problématique, elle a été déjà expliquée à l'époque. Et puis depuis le début du mandat, nous, on se force au sein du conseil municipal de réfléchir sur cette question. Et j'allais dire que naturellement, on est allé vers la solution qui est la commune nouvelle. Mais la commune nouvelle n'est qu'un outil. On a beaucoup travaillé sur la vision du territoire, sur les visions du territoire, parce qu'il n'y a pas une vérité. Donc j'allais dire qu'on est arrivé naturellement vers choisir l'outil qui nous paraissait le plus approprié par rapport à une certaine vision du territoire. Donc, j'allais dire que sur Langran, en tout cas au niveau des élus, ça s'est fait naturellement. Et après, on a fait, comme beaucoup, notre travail sur le terrain, d'explications, de réunions publiques. J'allais dire que, à part des questions très techniques sur lesquelles on peut revenir, sur la fiscalité, sur les noms, etc., il n'y a pas eu d'enjeu sur la vision. Je crois que la vision, elle avait été bien expliquée, en tout cas sur la commune. Sur un sujet comme ceci, on ne peut pas attendre l'unanimité. Mais en tout cas, on en a bien discuté et on a pu échanger, tant au sein du Conseil qu'avec la population, les arguments et les raisons. Il n'y a pas eu beaucoup d'opposition. Enfin, dans les différentes réunions, publiques ou autres, ça a été voté à l'unanimité, ça on sait, au sein des conseils. Mais des oppositions, des gens qui n'y croient pas, qui n'y veulent pas, bon, c'est comme ça, c'est la démocratie, après qu'il y ait un vote, mais... Ouais. Enfin, Robert, là-dessus, je vais revenir. D'abord, à Langran, ça n'a pas été voté à l'unanimité, mais sur un sujet comme ceci, ça ne peut pas être voté à l'unanimité. Et moi, j'ai félicité, alors il n'y avait pas la radio au Conseil, mais j'ai félicité ce vote, parce que sur Langran, il y a 15 élus, il y a 12 pour, 2 contre et une abstention. Et moi, j'ai aussi félicité ceux qui sont allés au bout de leur expression et qui ont voté contre, parce qu'ils défendaient une autre vision du territoire, qui est une vision plus villageoise, qu'on a discutée, sur laquelle on peut revenir. Mais il y a une forte majorité qui s'est exprimée. Et il y a d'autres qui ont une autre opinion, qui ont aussi l'exprimer et partager avec nous. Mais aujourd'hui, force est de constater que le vote de Langran, je pense que aussi, en tout cas sur Langran, vous avez une grande majorité des gens qui sont pour. le regroupement de ces communes-là pour que le territoire il avance, parce qu'à la fin, il faut revenir sur les besoins des habitants. Les besoins des habitants, ils veulent avoir accès à la santé, ils veulent des écoles qui fonctionnent, ils veulent du transport en commun, ils veulent que demain, leurs enfants aient des bonnes écoles et, si possible, du travail. Donc, à un moment donné, il faut se mettre à l'échelle de la dynamique du territoire. Donc, quand on commence à expliquer tout ça, les gens le comprennent. Notre territoire, il bouge beaucoup. Et également, les populations au sein même de notre territoire bougent beaucoup. Donc, ça, les gens l'ont bien compris, au-delà de savoir si on va changer ou pas les pancartes, la fiscalité. C'était plutôt des craintes, hein, des questions très techniques. Aux questions techniques, on peut y répondre. Il y a eu un bon travail de fait. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que le plus dur reste à faire. Après, on y reviendra. Nous, on a franchi une étape, on a pris nos responsabilités. Mais le plus dur est à faire. Ça veut dire quoi, Christophe, qu'il va falloir encore expliquer et encore expliquer le pourquoi du comment de la chose ? Non, mais vous savez, c'est comme quand il faut transformer l'essai. Hein, aujourd'hui, on a mis le ballon de l'autre côté, il faut transformer l'essai. Transformer l'essai, je dis souvent, le diable est dans les détails. Il va falloir qu'on mette en mouvement, en concrétisation, tous les objectifs qu'on a décrits dans la charte. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille dans le détail de l'organisation. Il faut faire en sorte que l'administration qu'on va mettre en place réponde aussi à ces services de proximité. Et puis aussi, il y a un autre sujet à discuter, c'est 2019 qui va mettre cette commune nouvelle en marche au niveau des élus. C'est les processus de décision, c'est comment on travaille ensemble, c'est savoir écouter l'autre, c'est aussi nous-mêmes évoluer par rapport à une commune nouvelle qui va être différente. Donc c'est transformer l'essai d'un point de vue politique et par rapport aux élus, et aussi par rapport aux administrés, et faire en sorte que aussi d'expliquer aux agents l'objectif de la commune nouvelle, etc., qu'il faut que tout le monde se sente impliqué. Et voilà. Donc ça, c'est pour ça que je dis que maintenant, il faut transformer l'essai. On l'a entendu souvent. Pourquoi il n'y a pas eu de consultation de la population sous Patrick ? De consultation de la population, c'était pas nécessaire ? Alors déjà, on s'était interrogé sur le sujet, on a vu les services de l'État, et aujourd'hui, un référendum est illégal dans le domaine. Oui, oui. Et on a beaucoup aussi étudié ce qui se passait ailleurs. Hein. Très souvent, c'est dans les petits villages qu'il y a un référendum, parce que c'est souvent des histoires de famille, hein, dans les tout petits villages. Dans les collectivités un peu plus grandes, non. Et moi, je le disais souvent dans mes réunions. Un référendum, c'est quoi, en fait ? Effectivement, on pose une question. Alors vous avez, sur 100 personnes, vous en avez 20 qui seront opposées à tout, quel que soit le sujet. Vous en avez 50% qui ne vont pas trop s'y intéresser, qui feront confiance, hein, voilà, qui ne se déplaceront peut-être même pas pour voter. Et vous en avez 30% qui, effectivement, eux, veulent savoir. Et ce sont les gens que nous avons rencontrés, avec qui nous avons pu discuter. Et je dis toujours, dans ces 30%, vous en aurez 10 qui seront contre et 20 qui seront pour. Si vous faites l'addition, c'est les contre qui vont remporter le paquet. Donc, voilà. Donc, alors, nous, on n'est pas contre la démocratie, bien évidemment. Mais sur des sujets comme ça, il faut être au cœur de l'action pour bien comprendre. Moi, je vous le disais, les gens sont très loin de ce que l'on vit, nous, au quotidien, dans les compétences. Comment voulez-vous poser une question ? Si vous posez cette question comme ça, de but en blanc, la première action, c'est de dire non. Mais je le voyais dans mes réunions. Les gens venaient quelquefois avec beaucoup d'interrogations. Des réunions qui, quelquefois, se sont même échelonnées sur 3 heures, 3 heures et demie de temps. Hein, et on a pris beaucoup de temps pour expliquer. Et j'ai voulu. Et peut-être que je continuerai. Mais à la fin, très souvent, certains qui étaient arrivés avec un a priori négatif allaient voir mon adjoint, Yves Baron, et lui disaient « Mais il faut aller plus vite, les gars, avancez. C'est ça, le sujet. » Voilà. Et c'est comme ça que les choses se passent. C'est par la discussion, le dialogue. Il faut aussi bien planter le décor, bien expliquer aux gens les enjeux, comme l'a dit Christophe. Et après, effectivement, on prend la décision. Si cette décision, on l'a prise en toute connaissance de cause. Moi, je vous dis, si effectivement, lors de ces réunions, j'avais 80% de gens remontés, on aurait certainement pris une autre décision. On ne va pas aller à l'encontre du peuple, bien évidemment. Mais il fallait aussi peser le pour, le contre. Moi, je fais toujours comme ça. Je fais 2 colonnes, le pour, le contre. Et là, le pour l'a remporté. Et je rejoins Christophe. Maintenant, c'est à nous de faire la démonstration que nous avons raison. La commune nouvelle, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une grande aventure. Voilà, une aventure collective et commune. Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, là, comme ça. Est-ce que le fait, cette communauté de communes, on parle commune nouvelle, bien sûr, aujourd'hui. Mais la communauté de communes, quand cette communauté de communes est née, il y a un certain nombre de communes qui font partie de cette communauté du pays belgardien. Est-ce que peut-être il n'y a pas eu assez d'explications pour pouvoir arriver à ce résultat aujourd'hui? C'est-à-dire que, en fait, les gens, est-ce qu'ils ne voient pas ça comme une grosse machine? Et ça les perturbe quelque part. Et tu parles de la communauté de communes? Non, je parle de la commune nouvelle. Alors, par rapport à la communauté de communes, justement. Oui, il faut bien distinguer. Je ne sais pas si vous voyez... Si, je vois très bien. Voilà. Les choses sont claires. Les compétences ne sont pas les mêmes. Bien sûr. C'est ça, il faut sûr. Que les gens comprennent cet élément. La communauté de communes a des compétences propres. Mm-hmm. Et je peux vous dire que durant ces 3 dernières années, avec mes collègues, on a vécu, on va dire, un transfert énorme de l'État vers la communauté de communes, ce qui nous a mis à mal à certains moments, puisque nous n'étions pas prêts. Prêt dans l'organisation, prêt avec le personnel, et on a avalé plein de nouvelles compétences. Voilà. La commune reste compétente dans des domaines bien précis. On est d'accord. Par exemple, le scolaire, d'accord, là, c'est la commune. La gestion de l'état civil, des cimetières, pour notre future commune nouvelle, c'est les transports. Pour l'instant, la ville de Belliard était compétente. Et des domaines comme ça, la forêt, l'entretien des bâtiments. Mais la communauté de communes, c'est autre chose. Ce sont vraiment deux administrations deux structures différentes. On ne peut pas tout mélanger. Ce serait très compliqué. Voilà. Et puis surtout, le citoyen ne s'y retrouverait certainement pas. Et aujourd'hui... Eh ben, la loi ne nous permet pas de tout mélanger, même s'il y a des discussions à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour essayer peut-être d'organiser autrement. Mais à l'instant T, les choses sont très claires. D'accord. Régis, une autre question, là, qui dit, commune nouvelle, un choix contre un forcé, on en a parlé. Est-ce que c'est vraiment le fait de la baisse des dotations et qui vous a engagé tous les trois, en définitive, en fait, de marquer cet essai et peut-être de le transformer Ce qui nous a engagé, c'est que on a eu l'occasion dans la semaine de... On a été plutôt très sollicités à l'échelle du département, y compris des départements voisins, parce que cette constitution de commune nouvelle, elle a beaucoup impressionné, au fond. Et nombreux sont les élus, je l'ai vérifié hier à Archamps, à l'occasion d'une communication autour de l'économie de la métropole. Nombreux sont les élus, bien sûr, qui réfléchissent à ce mouvement, à cette évolution possible sur leur territoire. Je le disais tout à l'heure, que ce soit sur le plateau d'Hauteville ou même sur la haute vallée de la Valserine, beaucoup plus près de nous, on va assister à des mouvements de cette nature. Et pour répondre à ta question, Guy... C'est pas ce qui nous a d'abord conduit à travailler sur le sujet. Patrick l'a dit, on a depuis 15 ans, ça fait partie des grandes vertus de la création de la communauté de communes, on a enfin, il y a 15 ans, appris sur ce territoire à travailler ensemble. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la situation il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, où on se regardait les uns les autres avec beaucoup de défiance, beaucoup de méfiance. Ce qui fait que chacun observant son périmètre communal, le territoire n'avançait pas. On est doté, par exemple, mais ça n'est qu'un exemple, d'une aire d'un échangeur autoroutier. On est dans la grande région transfrontalière à peu près les seuls qui n'avions pas su exploiter le potentiel de cet échangeur. Tout ça parce que, en effet, les élus avaient le plus grand mal, où qu'ils se trouvaient, à communiquer, à échanger, à travailler ensemble. Donc, on n'est plus à cette échelle. Donc, pour répondre à ta question, c'est d'abord la très, très grande confiance que nous nous accordons. D'accord, oui. Et puis le plaisir que nous avons à travailler ensemble, qui nous a finalement conduit à imaginer aller et franchir une étape que, très, très honnêtement, il y a encore 8 à 10 mois, nous ne pensions pas forcément franchir. Je comprends la surprise de nos concitoyens, mais Patrick et Christophe l'ont expliqué. On est au feu tous les jours, on est saisi par les évolutions de nos périmètres, on est à bien des égards abandonné concernant les dotations de l'État. À titre d'exemple, la seule ville de Bellegarde a perdu 1 500 000 euros de dotations de l'État en 5 ans. Mon collègue Patrick vous donnerait le chiffre pour Châtillon et Christophe le traduirait pour Lancran. C'est juste inouï. C'est un choc d'une violence inouïe. Et bien sûr que c'est un des éléments de réflexion qui nous a imaginé travailler, mutualiser. On parlera beaucoup des mutualisations aussi de nos administrations. Parce que non seulement non seulement les dotations fondent, mais les contraintes réglementaires ou normatives nous imposent de recruter des fonctionnaires compétents. Et à part la mutualisation, on n'aurait pas su absorber tous ces coûts. C'est vraiment l'envie de travailler ensemble, d'abord. C'est la réalité aussi d'un territoire. C'est la prise en compte de difficultés budgétaires. Mais en tout cas, il n'y a aucun regret aujourd'hui. Et alors, en langage de footballeur, je ne transformerai pas l'essai. Hein. C'est pas un football. Je mettrai la balle au fond. Hein. Ah oui, c'est pas pareil. Hein, ou dans la lucarne. Il n'a jamais été très fort en ce moment. Ouais, c'est marrant. Hein. Mais. Mais parce que l'essai, si me semble-t-il, pardon, c'est au rugby. On dirait. Ah oui, c'est ça. Quand, oui, pardon. Il y en a de moins en moins. Hein. ce qu'il faut observer, c'est, prenons l'exemple de notre pays belgardien. Qu'est-ce qui se passe pendant 50 ans ? Pendant 50 ans, la seule centralité, c'est la ville de Bellegarde. La ruralité est tout autour. Elle se développe. Châtillon, il y a 50 ans, est encore dans une ruralité évidente. Lancran, c'est la même chose. Et pendant 50 ans, la ville de Bellegarde, seule, et ça a été son honneur, en tout cas l'honneur de toutes les équipes municipales qui se sont succédées, elle a pu assumer un effort d'infrastructure en particulier. Elle a accompagné une dynamique associative. Et tout le monde, pardonnez-moi Régis, et tout le monde en profite. Bien entendu, en tout cas, ça a fait le bonheur de tout un territoire. Et encore aujourd'hui, oui. Et c'est heureux. Et ça s'est passé comme ça sur tous les pôles de centralité. C'est pas non plus. Bellegarde n'a pas réussi là. Ça a été le cas dans plein d'endroits. Depuis 5 ou 6 ans, la ville de Bellegarde seule, elle ne peut plus assumer ça. Les dotations ont explosé. Donc si nous ne nous prenons pas soin de créer un pôle de centralité fort, qui puisse interagir d'une manière complémentaire avec la communauté de communes, exerçant de larges compétences. Si nous ne fabriquons pas, autour de cette interaction, une seule équipe administrative, si on ne met pas tout le territoire en mouvement de cette façon, on n'est plus capable d'assumer les politiques publiques, on n'est plus capable de construire des gymnases, on n'est plus capable de construire ici des centres de santé, ici des services dédiés à la petite enfance. Et le territoire, il devient quoi ? On a fini par considérer que les gens qui aujourd'hui vivent sur ce territoire, en particulier les jeunes familles, elles se soucient moins du périmètre de nos communes respectives que de notre aptitude, en particulier future, à assurer des services. On accueille, je l'ai vu encore au Forum des associations samedi, il y a 2 semaines, on accueille toujours plus de nouvelles familles. Ce territoire est attractif, il faut s'en réjouir. Qu'est-ce qu'on allait répondre à ces familles demain ? Que les enfants ne peuvent plus être inscrits dans tel ou tel club ou telle association ? Que l'offre éducative n'est plus satisfaisante ? Qu'il n'y a plus de programmation culturelle parce qu'on ne sait plus l'accompagner budgétairement. Enfin, c'est pas être responsable en politique que de ne pas anticiper sur ces problèmes. Et Patrick et Christophe l'ont évoqué, dans notre décision, qui peut être mal comprise aujourd'hui, il y a l'idée de, en regardant un peu plus loin, on a pris évidemment la décision la plus adaptée pour que perdure, puisse être maintenue, des grandes politiques publiques, avec le souci de maintenir au demeurant une vraie proximité, parce que la demande de proximité chez nos concitoyens, elle doit être entendue. Il doit rester une mairie sur Châtillon, évidemment. Il doit rester une mairie sur Lancran. C'est celui qui veut continuer à être marié sur Châtillon, il continuera à l'être. Enfin, on va le développer, tous ces petits points sensibles. Ceux qui habitent Châtillon, s'ils ont des enfants, les enfants iront dans les écoles de Châtillon, ce sera la même chose pour Lancran. Enfin, je veux dire, c'est pas une révolution. Valserone, personne s'appellera Valseronois. Enfin, moi, ce débat futile sur les réseaux sociaux avec des gens qui s'offusquent de devoir être appelés Valseronois, mais ça, c'est juste que ça va pas exister. Tu as rappelé Robert tout à l'heure, l'Arlaudien chez nous, depuis 50 ans, il est resté Arlaudien. Et c'est pareil en Michaille. Et puis je terminerai rapidement là-dessus. Nous sommes tous issus de communes nouvelles. Bellegarde a été une commune nouvelle. C'est vrai. Ça a pu poser des problèmes. Mais si Bellegarde n'était pas devenue commune nouvelle... Et parlons de Châtillon, Michaël. Patrick en parlerait mieux que moi. Si Châtillon n'était pas devenu une commune nouvelle, dans l'expression de ce grand potentiel qui explique le développement fulgurant de Châtillon. Voilà, donc il faut relativiser ces enjeux et puis les dépassionner. Christophe ? Oui, moi je voudrais revenir sur plusieurs points et puis compléter ce que vient de dire Régis. Sur le budget, je vais le dire très clairement, l'Ancran n'avait pas besoin de Valserone. Financièrement, on n'a pas de soucis. Donc c'est bien une vision au-delà du périmètre communal. C'est la première chose à rappeler. Sur le service de proximité, oui, c'est extrêmement important. Alors d'avoir une mairie déléguée, parce que ça permet de flécher un élu et de ramener à la commune nouvelle un certain nombre de problématiques et d'éviter d'être des élus hors sol. Hein, à un certain niveau, je pense qu'ils sont trop hors sol. Donc éviter ceci, mais la proximité, il ne faut pas se tromper. Qu'est-ce que c'est la proximité pour un habitant ? C'est d'être bien déneigé. Souvent, ça s'arrête pas très loin de son trottoir, hein, d'être bien déneigé, etc. Donc, il faut être la bouche d'égout qui fait du bruit. Ça, pour lui, c'est de la proximité. C'est-à-dire, la proximité, elle est souvent très près de la propriété privée, hein, d'accord. Au-delà de dire, il faut une mairie déléguée. Donc, il va falloir faire attention qu'on soit à ce niveau de proximité avec la commune nouvelle. Ça, c'est le premier point. C'est simplement que la proximité, souvent, elle s'arrête à la limite de la propriété privée. Mais c'est un peu ça, l'idée de proximité, hein, souvent, pour des habitants. Après, l'enjeu de ce territoire, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est que je pense qu'aujourd'hui, la collectivité, elle ne peut plus se permettre de tout faire. Et l'objectif des élus, c'est de rendre ce territoire attractif de façon à ce que l'offre privée viennent sur notre territoire, regardent notre territoire pour apporter notamment un certain nombre de services. Si on va sur d'autres agglomérations, et notamment par exemple sur le Grand Annecy, vous avez une offre de services qui est notamment offerte par des gens qui viennent du privé. Donc je pense que l'enjeu aujourd'hui du territoire, c'est de le rendre attractif de façon aussi à faire venir de l'offre privée. Et ensuite, sur le nom, j'allais dire, écoutez, à tous ceux qui n'aiment pas Valserone, souvent, c'est d'essayer d'en imaginer un autre. Moi, j'ai fait partie de la commission. Alors, il y a eu un gros effort, un gros travail des élus de fait là-dessus. Valserone, Valseronois, Valseronoise, moi, je trouve que ça sonne assez bien. Et puis après, c'est qu'une question... Vous savez, de génération. Hein, je pense que dans 6 ans ou dans 8 ans, vous verrez, les gens, ils s'appelleront Valseronois, Valseronoise. Et après, l'avantage de la commune nouvelle, pour moi, c'est qu'elle aussi, à chacun, elle pose la vraie question. C'est, parce que c'est ce que j'ai dit aussi en réunion publique, c'est quoi mon engagement dans la collectivité ? Parce que c'est trop souvent facile de venir en réunion publique, de critiquer le niveau de la bouche d'égout qui fait du bruit. Mais c'est quoi votre engagement en tant que citoyen, dans la cité dans laquelle vous vivez? Je pense que la commune nouvelle, elle pose la bonne question. Donc vous incitez les Christophe Maillet et les citoyens à se présenter aux prochaines élections, alors? Alors, tu sais, en tant que démocrate, j'invite tout le monde à s'intéresser à la cité. On n'est pas obligé de s'intéresser à la cité en voulant absolument être élu. Mais ce que je suis en train de dire par là, c'est qu'il y a des gens qui font un boulot énorme dans les associations. Il y a des gens qui font un boulot énorme parce qu'ils sortent de leur périmètre de la petite propriété privée et entre voisins, il y a de l'entraide. Ben, je pense qu'il faut, à un moment donné, changer de philosophie et pas de se dire ben, « j'ai la chance d'avoir un travail ». Surtout qu'on est dans une région où quand même beaucoup de gens ont un niveau moyen de salaire quand même qui est plus élevé que dans d'autres parties françaises. Je rentre chez moi, j'ai les moyens de mes services et tout compte fait... J'ai une petite vie pépère. Ben, je veux dire, quand vous êtes élu, bon, il y en a quelques-uns peut-être qui, au niveau local, le font pour d'autres raisons. Je vous garantis que si vous ne croyez pas à travailler sur la collectivité, faites en sorte que cette société, elle change, qu'elle soit moins égoïste, je vous dis très, très clairement, je ne suis pas maire. Parce que les nuits blanches, j'en passe quelques-unes. Et quand vous voulez faire avancer vos dossiers, c'est un peu des fois un sacerdoce. Donc aujourd'hui, être élu, c'est une implication malheureusement dont les citoyens ne s'en rendent pas compte. Mais nous, je rappelle que par exemple, depuis le début du mandat, c'était une méthodologie, c'est de faire preuve de transparence. La presse est invitée à nos conseils municipaux. Les conseils municipaux sont ouverts, on débat des projets de territoire. Force est de constater que depuis le démandat, j'ai deux personnes qui sont arrivées. Voilà, quand on dit la population, elle est pas au courant, déjà la population, elle ne vient plus dans les conseils municipaux comme c'était avant. Je ne suis pas sûr que tout le monde lise les journaux, je ne suis pas sûr que tout le monde écoute la radio, etc. Mais enfin, nous, en tant qu'élus, on fait aussi beaucoup de public postage dans les boîtes aux lettres. À un moment donné, vous voyez, on a une réunion de quartier du bourg. Donc, c'est la troisième réunion de quartier qu'on fait. On en a fait deux récemment, fin août et début septembre. Donc, la prochaine, c'est la semaine prochaine. On distribue dans les boîtes aux lettres. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus à un moment donné? Moi, ce que je dis à chacun, c'est ouvrez-vous, parce que cette société, moi, je suis contre l'égoïsme. Je pense qu'il faut de la solidarité. Je pense que demain, il faudra la solidarité environnementale, la solidarité vis-à-vis de nos aînés, la solidarité vis-à-vis de nos nouvelles générations. Or, aujourd'hui, on ne peut pas demander à la collectivité d'apporter du service là où la société faillit. À un moment donné, voilà. Donc moi, pour résumer, je pense que les élus d'aujourd'hui et ceux qui sont autour de la table et dans nos conseils, pour moi, c'est des vrais bénévoles comme les gens dans les associations. Et moi, j'invite à tout le monde à s'occuper de la cité, à s'occuper des gens qui habitent autour de nous, etc. Chacun trouve son périmètre. Patrick, vous voulez intervenir? Oui. Je voulais répondre aussi à la question de Guy concernant l'aspect financier. C'est pas ce qui nous a motivés dans l'organisation, mais néanmoins, c'est un paramètre. Oui, bien sûr. Sur nos seules trois communes, on a perdu effectivement plus de 2 millions d'euros en 6 ans. Voilà, par année. Bien sûr. Et effectivement, on ne sait pas où ça va s'arrêter, tout ça. Parce que quand ils ont baissé les dotations, quand ils ont mis en place cet impôt sur les communes riches, soi-disant riches, et sans faire politique, ça a commencé par la droite, ça a continué par la gauche, et aujourd'hui par une solution hybride, c'est pareil. moi, je pense qu'il fallait effectivement anticiper. Parce que si on laisse faire les choses, il arrivera un moment, comme de nombreuses communes, on aurait été dans des difficultés financières, à ne plus pouvoir payer ses employés. C'est le cas déjà pour certaines collectivités, à tel point que vous avez aujourd'hui en France plus de 1000 maires qui ont déjà démissionné et qui ont rendu leur écharpe en disant « Écoutez, messieurs de l'État, et quand on parle de l'État, c'est l'État parisien, c'est pas l'État local, parce qu'on a des très bonnes relations avec le préfet, le sous-préfet, mais eux, ils subissent aussi ces politiques nationales décidées par, comme disait Christophe, des élus hors sol. Et moi, j'ai l'impression que quand les gens montent à Paris dans un ministère, on leur fait un lavage de cerveau. Ils oublient la réalité du terrain, ils oublient la proximité. Et ça, c'est dommageable pour tout le monde. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est anticiper une crise à venir. Mais pour toutes les collectivités, Régis disait que ça s'organise ici ou là, je peux vous dire qu'on est très sollicité actuellement par des élus, par des maires qui nous demandent comment on a procédé, les points, on va dire, à vérifier, voilà. Et on va être appelé très certainement à aller partager notre expérience ici ou là, dans le département et ailleurs. Parce que ce mouvement de regroupement a déjà connu beaucoup de succès en 2016-2017. Ça va s'accentuer par la suite. Vous verrez, nous avons simplement anticipé les choses. Et je le disais l'autre soir au conseil municipal, c'est toujours difficile d'avoir un temps d'avance. Moi, j'aime bien toujours voir venir le coup. Donc, d'anticiper, c'est aussi une décision politique qui n'est pas simple, parce que des fois, on a du mal à expliquer. Voilà. Mais je pense qu'on est dans le bon tempo. En même temps, juste une toute petite parenthèse, ce qui marche ici ne marcherait pas forcément ailleurs. Effectivement, oui. Parce qu'il faut aussi qu'entre les élus, entre les maires, il y ait une bonne coordination. Et voilà, parenthèse fermée. Alors, moi, je vais juste préciser, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Avec Régis, on a à un moment donné parlé de la commune nouvelle à 15. Aujourd'hui, je pense que c'était pas la bonne solution. On le dit. Donc ça veut dire, ça a été évoqué. La seule problématique de la commune à 15, c'est qu'après, il faut rentrer au niveau de la communauté de communes dans une autre communauté de communes. Donc se poser la question de savoir est-ce qu'on pouvait rejoindre le Pays de Gex, est-ce qu'on pouvait aller sur Oyonna. Et il y a quand même, si on regarde le Pays Belgardien, une réalité géographique. On est ancré économiquement via Genève, il faut le dire. Donc on a un autre rôle à jouer dans cette dynamique économique. Mais géographiquement, on n'appartient ni au Pays de Gex, ni à Oyonnax, ni à Annecy, ni à Seyssel. Donc il y a une vraie réalité économique, même si nos territoires font œuvre de beaucoup d'échanges entre eux. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, je pense que l'anticipation, nous, on a pris nos responsabilités. Vous parliez de référendum. Aujourd'hui, vous savez, il y a deux choses en politique si vous ne voulez pas avancer. Vous faites un référendum et vous êtes sûr que, vu en France, on ne va pas répondre à la question. On va souvent répondre à celui qui l'a posé, d'ailleurs. Mmh. Et aujourd'hui, moi, vous parlez de démocratie. Enfin, je n'ai pas fait un putsch à l'encre. Je veux dire, tous les élus, d'accord, on a été élus démocratiquement. Donc aujourd'hui, je prends mes responsabilités, je fais avancer mon territoire. S'il y a des gens qui ne sont pas contents, eh ben, à un moment donné, la démocratie, on s'exprime. Moi, je pense qu'on fait preuve de responsabilité. C'est-à-dire, on fait preuve de responsabilité, c'est qu'on prend nos décisions pour le territoire et à un moment donné, on anticipe. Or, ce pays, il a tout sauf anticipé. Mais je reviens sur la question des élus hors sol. Moi, je ne fais pas de politique. J'essaye de faire un constat. Je dis simplement qu'à Paris, depuis au moins 20 ans, il y a beaucoup de gens qui ne gouvernent pas ce pays pour le bien du pays. Ils gouvernent surtout pour qu'à leur niveau, ça ne change pas. D'accord ? Quand je vois les baisses de dotation de l'État et que je vois dans le même temps que la dette nationale augmente sur des dépenses de niveau national, à un moment donné, il faut le dire, en haut, il y a une bande d'incompétents. En haut, il y a des gens qui défendent leur intérêt personnel. Et regardez les journaux, il y a des grands fonctionnaires de l'État qui se servent pour payer des taxis, etc. Et on les renomme à de grands postes derrière. Donc à un moment donné, il y a une caste, il faut le dire. Et moi, notre président actuel, je lui souhaite bien du courage. Il y a visiblement une volonté de faire changer les choses. Mais après, il y a une résistance. La résistance, aujourd'hui, elle est de l'intérieur, elle est dans les ministères, et il ne faut pas se cacher. Il y a du corporatisme, et il y a un certain nombre de gens dans notre pays qui n'ont pas d'intérêt à ce que ce pays bouge. Or, la France, moi, j'aime beaucoup mon pays. Vous voyagez beaucoup. Enfin, moi, je voyage beaucoup. Les gens aussi voyagent beaucoup. On a toutes les richesses dans ce pays pour que ce pays, dans l'Europe, devienne un grand pays, que l'Europe devienne un grand pays, donc un grand continent. Donc, à un moment donné, nous, on prend nos responsabilités. J'aimerais qu'au-dessus, on ait des élus qui prennent leurs responsabilités, mais surtout qui fassent... qu'ils soient élus pour les bonnes raisons. Et quand vous êtes au niveau local, je vous le garantis. Hein, moi, j'ai fait un petit calcul, c'est 800 heures de travail. Donc, vous me connaissez, Robert, vous me voyez travailler en entreprise. Je n'ai pas réduit mon nombre d'heures en entreprise. Donc, vous essayez de mettre 800 heures supplémentaires par rapport à quelqu'un qui travaille en entreprise, mais demain, ça ne sera plus possible. On va vers la professionnalisation des élus. Hein. Aujourd'hui, il faut pas se cacher. Or, on n'a jamais travaillé sur le statut des élus locaux. Il est extrêmement difficile aujourd'hui d'être dans une entreprise privée et d'être élu, et de vouloir faire bouger son territoire. Moi, je suis très content de le faire maintenant parce que je suis dans un âge où j'ai encore l'énergie. Et j'espère que quand je serai plus âgé, je laisserai le bâton de pèlerin à d'autres. Hein. Mais la question aujourd'hui, regardez bien les statuts des élus. Il est tout fait pour que vous ayez des gens qui viennent des professions libérales, qui viennent de l'administration, pour être élus. Il y a beaucoup de représentants à l'Assemblée nationale qui viennent des entreprises privées. Alors, ça s'est fait un peu plus avec Emmanuel Macron, qui a un peu bousculé l'échiquier politique, mais il y a un vrai problème de représentativité et surtout de motivation à la base. Oui, Patrick. Non, mais j'ai rien à rajouter. Christophe a fait un bon constat. Je rebondis un peu sur ce que vient de dire Christophe Maillet. Professionnalisation, ça veut dire que demain, j'allais dire pour la plupart, non, je ne parle plus pour Régis parce qu'il vient d'être nommé parmi les retraités. Je t'ai rejoint. Il m'a rejoint. Tu me faisais tellement envie que j'ai fini par te rejoindre. Merci Régis. Merci. J'apprécie beaucoup. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, Christophe Maillet, demain, Patrick Péréard, avec les charges qui vous incombent, déjà aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que Patrick, par exemple, il dirige une entreprise. Christophe, quelque part, vous dirigez aussi une entreprise hein, dans le domaine commercial, ce qui n'est pas rien. Et Régis, lui, aujourd'hui, bon, il a pris sa retraite. Donc, pour lui, pas de problème. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, vous allez pouvoir toujours continuer sur la même méthode ou est-ce qu'il va falloir passer à la professionnalisation des dirigeants, on va dire ? Moi, personnellement, je pense que c'est bien quand même d'avoir un pied dans le monde de l'entreprise. et un autre dans le monde des élus. Très souvent, et je rejoins Christophe sur ce sujet, des gens prennent des décisions en haut lieu. Ils n'ont jamais payé l'URSSAF, ils n'ont jamais payé le RSI, ils ne savent pas ce que c'est, et ils prennent des décisions. J'aimerais, moi, que la loi impose à tous les députés, à tous les sénateurs, d'avoir au moins exercé pendant 10 ans un vrai métier, entre guillemets. Alors, je ne veux pas être méchant, hein, ils passent beaucoup d'heures, beaucoup de temps dans leur fonction, mais un métier privé ou un métier dans l'éducation nationale, par exemple, pour voir vraiment ce que c'est que la réalité du terrain. Et après, on peut se permettre de modifier, de prendre des décisions. Mais jusqu'à présent, alors, et ça fait raison, il y a une évolution, il y a des gens qui sont des nouveaux qui sont venus, c'est bien, ça peut que faire du positif. Mais je crois que cette décision, elle est importante. Après, aujourd'hui, le statut d'élu, il est tel qu'il est. Ça fait des années qu'on en parle. Nous, on s'adapte. Mais c'est vrai qu'il n'est pas tellement en cohérence, voilà, avec la réalité du terrain. Voilà, faut être... juste là-dessus. Après, d'avoir des élus professionnels, il y a une limite aussi, parce qu'après, ils sont complètement déconnectés. Voilà, après, ils sont dans une tour d'ivoire et ils prennent des décisions. Non, et surtout, même si demain, on a 17 000 habitants, on reste proche du citoyen. Voilà, et ça, c'est le leitmotiv qui nous, tous les trois, nous motive. Hein. On est une grosse collectivité pour gérer l'administratif, mais on est quand même ici ou là. On reste rural. On reste rural, on reste en proximité. Les gens, hier, par exemple, je suis allé à la mairie de Bellegarde, bah, pour revenir à mon agent, j'ai mis une demi-heure parce que les gens, bah, ils parlent, ils ont besoin. Ils lui discutent. Et ça, c'est une richesse, parce que c'est un contact direct. Hein. Il n'y a pas besoin des réseaux sociaux. Les gens t'interpellent. Quelqu'un de l'encran hier m'a interpellé dans la rue pour dire voilà. Et ça, ça fait vraiment partie de notre motivation, de notre vie. Voilà, c'est ça. Nous, on n'est pas planqués dans une assemblée. Je suis content que Patrick parle de contact direct, parce que... alors bon, moi, je ne pratique pas les réseaux sociaux. Hein. Mais sur ce que j'entends... Il y a un certain nombre de frustrés, je ne voudrais pas les appeler autrement, qui déversent une haine et une sorte de colère. J'ai en tête en particulier, sans le nommer, quelqu'un qui factuellement doit habiter à 15 mètres des portes de la mairie et qui se déverse avec une agressivité sur le sujet aujourd'hui de la commune nouvelle. Et je me dis, mais quelque part, pourquoi tant de haine? Moi, j'ai fait deux réunions ouvertes, j'ai eu personne. C'est ce qui m'a permis, d'une manière très démocratique d'ailleurs, de me dire, tout le monde. C'est pas un sujet pour les Bellegardiens, cette perspective. Les Bellegardiens ont tous compris et finalement admis que ça participait d'un bon mouvement. Mais cet individu qui est à 15 mètres de mon bureau... et qui doit savoir que le bureau est ouvert en permanence. Moi j'ai reçu 3600 contacts sur les 15 dernières années. Le bureau est ouvert. Pourquoi ne pas venir en discuter? Qu'est-ce que c'est que cette agressivité? Alors c'est souvent... Là j'ai pu identifier parce qu'au moins il a eu le courage de signer. Mais c'est encore plus agressif sous la forme de propos anonymes. Je rejoins ce que Christophe disait. Être citoyen, c'est être acteur de la cité. C'est ça l'origine du mot. Pourquoi on ne se parle pas? On peut, mes deux collègues l'ont dit, on peut parfaitement ne pas être d'accord. Enfin, c'est la démocratie. C'est même le sel de la discussion. De confronter des perspectives, des idées. On peut ou on doit ne pas être d'accord. Mais parlons-en. Au lieu de s'agresser par réseau interposé... Je supporte plus, moi, cette dictature du réseau social où, parfois, sur de fausses informations, vous avez des centaines de réactions. Ça part dans tous les sens. Je ne parle pas des fautes d'orthographe parce qu'au fond, j'admets l'idée que chacun puisse ne pas maîtriser. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Et puis, qui sommes-nous pour être insultés de cette façon? On a aussi des familles. Enfin, je veux dire, on a une vie. Ça veut dire quoi? Et d'autant que, tristement, on a parfois des demeurés qui... Moi, j'ai un demeuré qui m'a traité d'esservelé sur les réseaux. C'est quoi? Au moins qu'ils viennent en discuter, du coup, entre desservelé ou esservelé, on pourra s'entendre. Après, vous savez... je reviens, moi, sur la commune nouvelle, et justement, qui est un sujet où, dès le départ, il faut dire qu'il n'y a pas possibilité d'avoir d'unanimité. Hein, moi, je le redis parce que je ne peux pas dire ceux qui ont voté contre, c'est un bulletin secret. Mais au moins, je connais au moins une qui a voté contre. Non, mais parce que j'ai discuté avec elle. Parce que, vous savez, j'ai toujours dit, et je le répète, que sur des sujets comme sur la commune nouvelle, si on devait avoir une unanimité, peut-être qu'on n'a pas su écouter une minorité silencieuse et qui n'a pas su s'exprimer. C'est pour ça que moi, je suis très content que des gens ont dit non et à cette commune nouvelle. Mais au-delà, ils ont pas tort. Par contre, nous, on a écouté. Attention, on n'a pas forcément voté pour la commune nouvelle parce qu'on veut de la proximité. Et on a peur que cette commune nouvelle, elle va à l'encontre de cette communauté villageoise. Et c'est ce que je disais souvent, la bouche d'égout qui fait du bruit, ben, moi aujourd'hui, c'est les élus, parce qu'on parle beaucoup aux élus, parce qu'on se balade beaucoup. Françoise, par exemple, la première adjointe, elle se balade beaucoup, il y a Régine, etc. Ils font remonter directement nos services techniques et il y a une relation comme ça, citoyen, élu, service, et ça fait qu'on agit. Ben, la commune, vous voyez. Donc, quand on commence à discuter de nos différentes positions, etc., on va faire en sorte que cette commune nouvelle, qui permet à ce territoire d'avancer dans la bonne direction et de rattraper la dynamique et d'engranger la dynamique des territoires, qu'on n'oublie pas que cette proximité et d'apporter plus de services à nos citoyens, y compris pour le petit souci qui est devant sa porte. Vous avez signé une charte qui fait une quinzaine de pages. Tout oui. y est. Tout y est dans cette charte. Je voudrais savoir ce qui va être, moi, mutualisé. Enfin, pas trop rentrer dans le détail, parce que ça peut être long. Christophe vient d'évoquer les services techniques. Comment que ça va fonctionner, les services techniques? Je reviens un petit peu en arrière sur la discussion avec le citoyen. Moi, j'avais pris l'option de faire des petites réunions, et j'avais préparé un support, un document, pour effectivement... Et cette discussion avec le citoyen m'a permis d'enrichir ce support, à tel point que le support du départ, qui était assez light, s'est, on va dire, alourdi, puisque ce sont les gens qui m'ont apporté, on va dire, des réflexions, ce sont les gens qui m'ont interrogé. Immédiatement, j'en faisais part à mes collègues, on transformait ça, on va dire, en charte, voilà. Et cette discussion, elle est positive, parce que si les gens n'étaient pas venus, on serait resté sur un document très light, à tel point que je l'ai amené, il est quand même épais, parce qu'il s'est enrichi au fil des réunions, au fil des discussions, et c'est le citoyen qui nous a permis, d'ici ou là, d'alimenter, on va dire, ce document de charte, mais également cette réflexion en général. Et ça, c'est le point positif. Voilà. On n'a pas construit ce projet tout seul dans notre mairie. Ouvert aux gens, on a discuté, on a pris le temps. Et puis cette charte, effectivement, je ne sais pas si tout y est, mais elle a été travaillée avec l'ensemble des élus. Chacun a mis sa pierre, on va dire, à la construction de ce document. Alors certainement qu'on a dû oublier des choses, mais cette charte, elle peut aussi évoluer dans le temps. Hein. Elle peut être adaptée. Nous, elle nous semble déjà bien complète. Voilà. Après, c'est un document comme tous les documents. Il est appelé à être amendé, modifié à la marge. Est-ce qu'on peut le consulter? Il est sur le site de la commune depuis mercredi. La délibération a été, on va dire, entérinée. Et vous retrouvez ce document sans problème. D'accord. C'est ça la transparence, Christophe le disait. On essaye. Alors, on a eu un problème technique il y a quelques mois où, effectivement, des documents n'apparaissaient pas. Mais toutes les délibérations, la charte, c'est tout en ligne. Hein, voilà. Aujourd'hui, ça sert à quoi de cacher ce document? Hein, on l'a remis à la presse. Lundi soir, la presse était présente. On a délibéré dessus. On en a discuté. Voilà, je veux dire. Voilà. Mais je vous dis, c'est un document, charte fondatrice. Ça veut bien dire qu'on a posé les bases de la machine et après, on va le faire vivre. Mais pour répondre à la question de Robert, elle n'est pas exhaustive, hein, cette charte. Elle jette les bases, elle consacre un état d'esprit, hein, d'abord et avant tout. Elle marque des équilibres entre nous, nos territoires. Une volonté de travailler ensemble, une volonté d'aller vers, de maintenir des services de proximité, de travailler aux meilleurs équilibres possibles. Le travail, en réalité, ce travail, il reste bien sûr entier. Hein. Moi, j'ai dit en conseil municipal l'autre soir qu'il ne fallait pas non plus avoir une vision angélique ou idyllique concernant cette commune nouvelle. Cette commune nouvelle, il va falloir se l'approprier, il va falloir la faire vivre, il va falloir s'investir encore davantage pour en expliquer les vertus. Puis je suis sûr qu'au bout d'un certain nombre d'années, chacun aura parfaitement compris le sens de nos discussions. Je reviens sur ce que je suis le mauvais exemple. Le conseil municipal de Bellegarde, c'est 33 personnes. Et c'est un conseil municipal un peu particulier parce qu'il y a un groupe majoritaire et un groupe minoritaire. Et ce qui me permet de dire que je crois que les Bellegardiens, à travers leur représentation d'élus, ont bien parfaitement compris et admis le principe d'une commune nouvelle, parce que nous n'avons pas eu de vote contre. Que ce soit venant du groupe majoritaire, par conséquent, et venant du groupe minoritaire, qui aurait pu, comme c'est souvent le cas, exprimer un avis contraire. Sur ce sujet, le vote a été unanime. Je vous garantis que ce n'est pas toujours le cas. Ça démontre bien, en tout cas vu de la ville de Bellegarde, et on peut aisément en comprendre les raisons, que cette perspective, elle était attendue et en tout cas parfaitement acceptée. Nous n'avons rien de vieux autocrates. Enfin, je parle de le vieux, c'est pour moi, hein, puisque mes deux collègues sont infiniment plus jeunes. Non, aussi, hein. Mais nous n'avons rien d'autocrate accompli. Hein. On n'a pas envie que Gérard Depardieu devienne notre ami. Hein. Simplement, et je rejoins Régis, c'est-à-dire que cette commune nouvelle, c'est une nouvelle commune. Hein. On n'oublie pas notre histoire, loin de là. Hein. Châtillon a une histoire, effectivement, a grandi au fil des années. Historiquement, elle pesait beaucoup. Et ça, on n'y oubliera jamais. Sauf qu'on a voulu nous construire une nouvelle commune. Et ce n'est pas facile non plus pour un maire de se dire, bah, demain, entre guillemets, mon petit confort, bah, je le mets au milieu de la table et j'en discute avec mes collègues. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a travaillé. Bellegarde existe, moins jusqu'au 31 décembre. A fait preuve, on va dire, d'une dynamique. Hein. Bellegarde est en train de se réécrire, hein. c'est le slogan, et c'est réel, puisque quand on se promène dans les rues, voilà, il y a vraiment un grand changement. Et ça, chaque fois qu'il y a une réunion publique, je le dis. Hein. Si la ville-centre se porte bien, c'est tout le pays bellegardien qui va bien se porter. Mais pour mon collègue Régis, pour Christophe, et pour moi aussi, c'était pas simple de prendre cette décision, de tout mettre sur la table, et maintenant on discute à trois. On a bien l'intention de continuer à discuter à trois. On va créer une sorte de G3 sur les grandes décisions. Voilà, parce que on l'a fait ensemble et on continuera à l'administrer ensemble, cette commune nouvelle. Voilà. Et après, pour rebondir sur les services techniques, vous n'êtes pas sans ignorer que nous, Châtillon, tout a brûlé. Hein, en juin 2017, tout est parti en fumée. Et je peux vous dire que c'est un des éléments qui a fait ouvrir ma réflexion. Les services techniques de la ville de Bellegarde sont sur Châtillon. Ils sont à deux pas de la communauté de communes. Et à un moment, moi, je fais comme ça. Je suis retourné sur place. Ça a été difficile hein, de voir tout partir en fumée. Ça m'a aussi atteint, hein, je vous le dis franchement. Et je me suis dit, quelle est la cohérence de racheter une balayeuse alors que nos amis de Bellegarde en ont une. C'est 150 000 euros. On ne l'a pas rachetée. Parce qu'on va utiliser une de la future commune nouvelle. Voilà. Et ça, cette réflexion, malheureusement, d'un drame, a accéléré certains mouvements. Parce que demain, les services techniques seront regroupés, seront réorganisés, avec l'intention, et on en parlait encore la semaine dernière, au moins pendant les 6 prochains mois, de ne pas trop toucher. On va rentrer en période hivernale, et Christophe est très, très, on va dire, à cheval sur la qualité du déneigement. Comme nous tous. Hein. Comme nous tous. Et on ne va pas désorganiser un service qui fonctionne. Et on va se laisser le temps aussi de regarder comment on peut mutualiser nos moyens et nos forces. Voilà. D'accord. Mais cet incendie dramatique a contribué, on va dire, à cette réorganisation. Quel aurait été l'impact pour le citoyen de Châtillon que la commune... Alors on a racheté du matériel, parce qu'on était obligé. On a recommandé une élagueuse, là, pendant l'été. Alors certains nous ont reproché que les branches avaient poussé, oui, mais financièrement, c'était lourd. Hein, donc, mais néanmoins, on a vraiment remplacé le nécessaire et l'utile, sachant qu'on allait pouvoir utiliser d'autres matériels ici ou là. Christophe. Oui, moi, sur la charte, quand on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a tout ? À la charte, il n'y a pas tout, mais il y a l'essentiel. C'est quoi la charte ? C'est la constitution. Donc, c'est l'esprit. Et si vous lisez la charte, il y a les grands objectifs, il y a l'esprit de la commune nouvelle. L'objectif de cette charte, elle n'est pas de régler comment ça va fonctionner, les services techniques, d'aller dans le détail. Elle est, c'est quoi l'esprit ? Et moi, j'invite tout le monde à lire cette charte, notamment la page 3, où il y a les grands objectifs de la commune nouvelle. Et moi, je reviens sur ce qu'a dit Patrick. Hein. C'est que, d'abord, hein, tous les élus l'ont lu. Tous les élus ont pu y participer. Et... Je le dis comme ceci, c'est qu'en allant sur la Grande Côte, hein, l'autre jour, on m'a dit « Ouais, voilà, nous, on éteint. Qu'est-ce que vont faire les autres communes ? Est-ce qu'ils vont éteindre ? Enfin, les enjeux climatiques, etc. » Non, ça fait sourire, mais moi aussi, Patrick vient de le dire, on a eu des difficultés financières, les lagueuses, on nous dit il y a les branches. Ben, tout ça fait que, à un moment donné, quand on est politique, et quand on est des politiques de proximité, il faut expliquer la commune nouvelle. La commune nouvelle, elle va permettre, sur le déneigement, d'avoir des renforts. Parce que quand moi, par exemple, on me dit à Petite Côte, à la Grande Côte, ici ou là, je voudrais déneiger à 5 heures du matin. Ben, je rappelle qu'à l'Ancran, c'est un tracteur, deux personnes. Voilà. Donc celui qui habite à l'Ancran et qui se dit à 5 heures du matin, je serai déneigé, c'est pas possible. Celui qui me dit qu'à l'Ancran, il y a des branches, il y a des fossés qui sont... Moi, je rappelle à tout le monde aussi que aujourd'hui, je parle comme un vieux, hein, mais du temps de mon père m'a appris à déneiger le trottoir. Et il m'a appris aussi à mettre la neige du bon côté, hein, pas sur la route. C'est-à-dire chez d'accord le voisin. Voilà. Après, vous voyez, les fossés autour de chez moi, j'attends pas que la commune elle passe. Donc, il va falloir aussi un jour réfléchir où la collectivité ne peut pas aller jusqu'au bout de tous les fossés. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc la commune nouvelle, elle va permettre, eh ben, là où c'est vraiment nécessaire, d'avoir plus de moyens. Ça, c'est important. Et puis de réfléchir. Et ça, moi, je suis très fier qu'on ait pu le mettre parce que c'est une réflexion commune. Moi, je vais juste relire le dernier objectif parce que c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Expérimenter et mettre en œuvre des politiques innovantes, notamment dans les domaines de l'environnement et de l'urbanisme, afin d'atteindre l'objectif d'un développement qualitatif de notre territoire et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Bon, ben ça, il n'y a pas tout dedans, mais il y a l'essentiel. Il y a l'essentiel. Hein. Et à un moment donné, c'est comme tous les sujets, ben il faut faire un pas en avant. Et quand on fait un pas en avant, et si tout le monde fait un pas en avant, on fait un grand pas, quoi. Hein. Donc à un moment donné, il faut oublier son égoïsme. Et je pense que la commune nouvelle, c'est un peu ça. On a oublié notre égoïsme municipal pour se dire, ben non, l'ambition, elle est quand même du territoire. Elle va bien au-delà de la petite mairie, de la petite église, de la petite fête de quartier. Y a une vision du territoire. Il y a des enjeux quand même qui sont beaucoup plus importants pour nous et les générations futures. Et ça, c'est important. J'aime bien l'exemple qu'a pris Patrick sur les branches, sur les fossés. Moi, je rappelle à tout le monde, hein, on a eu la voie du tram, elle est partie, la voie du tram, ce printemps. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, les changements climatiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire des grosses précipitations, peut-être chez nous. Et or, les grosses précipitations, qu'est-ce qu'elles ont fait au mois au printemps? Elles ont explosé la voie du tram, parce que les fossés, effectivement, ils abondaient plus. Et ils ont fait exploser un certain nombre de réseaux souterrains, parce que les tuyaux, ils étaient sous-dimensionnés par rapport à ces bouleversements climatiques. Bon, à un moment donné, sur notre territoire, on va s'y attacher. Dans les nouvelles constructions, on va peut-être se dire, on va arrêter de faire des immeubles sans réfléchir à la récupération de l'eau de pluie. Enfin, ça paraît tout bête, mais c'est tous ces petits changements... à l'échelle d'un territoire, ça fait beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période de sécheresse. Si tout le monde récupérait son eau de pluie, l'utilisait pour son jardin, pour ses toilettes, ben, l'impact sur la consommation d'eau, il est énorme. Et voilà, c'est ça aussi la commune nouvelle, c'est de réfléchir sur des sujets un peu plus vastes. Et je sais qu'on n'a pas tous forcément les mêmes idées, mais quand on est capable d'écouter, ben, on a des petites avancées. Et puis ces petites avancées, à la fin, ça fait des grands changements. Sur la question qui est centrale, hein, qu'est-ce que demain vous allez mutualiser ? Sur le seul sujet de la réponse technique dont on vient de parler, on se rend bien compte qu'on a tout à mutualiser. Nous, on a des engins, ils sortent le matin, que ce soit en période estivale ou hivernale, ils rentrent à midi, ils ne ressortent plus. C'est le constat qu'avait fait Patrick au moment de l'incendie. C'est pour ça qu'on a pu, d'ailleurs, en toute tranquillité, aider par solidarité, bien naturelle, aider à ce moment-là la commune de Châtillon. C'est tellement évident de mutualiser une nacelle. On a des bâtiments qui ont plus de 10 mètres de haut. On a une nacelle, nous, parce qu'on avait le périmètre budgétaire pour en acquérir une. C'est tellement évident de se la prêter. On n'a pas besoin tous les jours. Et ça vaut pour des quantités de sujets, des quantités d'exemples. C'est important parce que c'est souvent la réponse technique est une réponse impactante hein, pour nos budgets. C'est même sans doute la plus impactante. Hein. Sur le sujet de... Il y a une remarque sur comment c'est possible d'imaginer une commune nouvelle autour de communes aussi éloignées. Mais aussi éloignées. On a un immeuble sur Bellegarde dont l'entrée de droite est commune de Bellegarde et l'entrée de gauche est commune de Lancran. Ça, c'est un très bon exemple. Voyez un peu ce qui fait que les familles qui habitent entrée de gauche sont censées scolariser leurs enfants sur l'école de Lancran. Et l'entrée de droite, ben, elle va à l'école de Coupy. Voilà le genre d'ineptie. On a des gens, on a des parties de notre territoire sur les Hautes-Bellegarde, à 50 mètres du Credo. Vous êtes sur la commune de Châtillon. Moi, je transporte n'importe quel de nos concitoyens à cet endroit-là, et à la question où tu es, naturellement, il va me dire je suis à Bellegarde. Non, on est complètement imbriqué. Donc, on n'a pas fait non plus quelque chose d'incohérent au plan territorial. On est déjà dans cette réalité, de territoire et de géographie. Hein. Alors, une question. 2019, je crois que le conseil municipal de Val-sur-Aude, ce sera le 6 janvier hein, 2019. Oui, dimanche. Une question. Oui, c'est un dimanche. Et c'est un dimanche à la salle des fêtes, pardon. On travaille le dimanche aussi. Une question concernant les employés communaux. Alors, ils seront employés de Val-sur-Aude, oui. De Châtillon, oui. De Lancran et oui. Bellegarde. Ce seront des employés de Val-sur-Aude. Oui, bien sûr. Oui, la nouvelle entité. Administrative, et la seule entité au fond administrative, bien sûr, ce sera Val-sur-Rhône. Mmh. Alors, c'est une réalité administrative, ce que disent mes collègues très très souvent dans leurs réunions publiques ou ailleurs. Hein. C'est en effet une réalité administrative. Ça ne pénalise en rien le fonctionnement au quotidien et la réponse au quotidien des services tels qu'ils sont organisés. C'est l'infrastructure, elle est en effet Val-sur-Rhône. On précise peut-être bien une chose. Lancran s'appellera Lancran commune de Val-sur-Rhône. Châtillon, ce sera Châtillon commune de Val-sur-Rhône. Bellegarde, kiff-kiff, voilà, commune de Val-sur-Rhône. Et Arlot, ce sera quoi alors? Arlot restera toujours Arlot. Ah, merci Régis. C'est une bonne remarque parce que l'autre jour, j'étais avec des amis qui me disaient « Mais pourquoi vous avez changé le nom de Bellegarde ? Bellegarde sur Val-sur-Rhône ? » Mais ce n'est pas du tout ça. Ouais, les gens ont cru qu'on remplaçait Val-sur-Rhône par Val-sur-Rhône. Non, Val-sur-Rhône, c'est le nom administratif, le nom effectivement légal. Oui, qui sera. Mais on l'a dit, hein, les Châtillonnais resteront bien présents. Quoi, voilà. Et puis les gens d'Arlot, pareil. Pourquoi un nouveau nom ? Quand on se rencontre pour la première fois sur la thématique du nom, j'interviens à un moment donné en disant je suis très attaché à Bellegarde-sur-Val-sur-Rhône parce que tous les Bellegardiens sont extrêmement attachés à leur histoire et cette fierté on la partage. C'est vrai. J'aurais envie de vous dire appelons cette commune nouvelle Bellegarde. Dans la salle se lève un certain nombre d'élus pour dire je suis très attaché à Châtillon, Michel. Cette commune est historiquement la plus ancienne du territoire. Toutes ces réflexions nous ont permis de comprendre qu'en réalité, il fallait évoquer un autre nom. Parce que sinon, on allait démarrer une aventure commune sur une somme de frustrations. Alors, on va nous dire, oui, mais la commune nouvelle d'Annecy, elle s'est appelée Annecy. C'est pas faux. Mais Annecy a une telle... est labellisée au plan touristique, a un tel statut, un impact, que, évidemment, je ne pense pas qu'il ait pu en être autrement sur le territoire d'Annecy. Mais nous, en tout cas, on a considéré qu'effectivement, il fallait aller vers un autre nom qui n'est pas forcément... très satisfaisant, qui sonne pas forcément le plus juste possible. Mais encore une fois, les Châtillonnais resteront Châtillonnais, les Ochiatus resteront Ochiatus, les Arlodiens Arlodiens, les Vanchissois, et puis c'est très bien comme ça. Vanchissoise aussi. Vanchissoise, mais c'est plus difficile à prononcer. Régis parle de ce qui s'est passé sur Annecy avec la création de cette commune nouvelle d'Annecy. Pour nous, ça a été le contre-exemple. Ils ont voulu tout changer sans rien changer, à tel point qu'ils ont laissé effectivement les conseils municipaux dans chaque ancienne commune Et ils ont créé un nouveau conseil municipal avec la commune nouvelle. C'est d'une lourdeur administrative et ça représente des coûts financiers énormes. Nous, on a voulu aller effectivement à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y aura un conseil municipal de la commune nouvelle, il y aura des maires délégués. Et voilà, je veux dire, on ne va pas recréer. On a voulu aussi alléger notre administration des délibérations. Avant, on en prenait une dans chacune de nos communes. Maintenant, il y en aura une générale. Je veux dire, c'est aussi ça, les économies. Et moi, on l'a fait avec le directeur financier de la ville, Alexandre Mouget. On a commencé à passer en revue tous les postes d'économie possibles. Parce qu'une commune nouvelle, on peut remettre en cause certaines pratiques. Avec l'objectif d'être plus rigoureux, de dépenser moins. C'est ça aussi notre travail. Et c'est pas si simple que ça. Et on n'a pas terminé. Hein. Voilà, je veux dire. Nous, on a voulu aller vraiment dans une organisation, on va dire, efficace. Et pas une suradministration. Voilà, parce que quand vous laissez... ce qu'ils me laissent dire, l'autre jour, j'étais à Annecy-le-Vieux, j'ai assisté à un mariage, je suis allé voir. Ils ont conservé les mêmes élus, les mêmes conseillers municipaux délégués. En fait, ils ont tout changé, mais surtout, eux, ils n'ont vraiment rien changé. Nous, on change tout, mais en back-office. Voilà, je veux dire, c'est toute la différence. Christophe ? Oui, sur la commune nouvelle, nous, c'est, encore une fois, c'est une commune nouvelle qui va s'attacher à apporter plus de services. Hein, c'est... Donc moi, je vais en citer... Pardon, Christophe, est-ce que ça implique des licenciements ou des changements? Une question. Mais je réponds à ça parce que on m'a posé la question. Je le dis très clairement. Pensez-vous qu'on emploie des gens à rien faire? Aujourd'hui? Je le dis très clairement. Sur l'encran, il faut venir en mairie parce qu'on est en phase de recrutement. Et vous savez ce que je dis aux candidates? Si vous pensez venir et prendre le poste parce que vous croyez que c'est une administration et que c'est pantouflard, ne prenez surtout pas le poste. Surtout, vous ne connaissez pas le maire. Donc, faites attention, il y a du boulot, c'est énorme. On est souvent en sous-effectif. La difficulté d'une administration, mais c'est la même chose qu'une entreprise, c'est que les services de proximité bougent, les compétences bougent et qu'il faut faire évoluer l'administration pour être au plus proche du citoyen et adapter le service. Et ça, ce n'est pas facile. Hein, c'est pas facile. On l'a vu notamment à l'école, je vais prendre un exemple précis, où à un moment donné, on a dit, il y a eu les nappes hein, avec la semaine de passage à 4 jours, et on a dû faire évoluer du personnel qui faisait du ménage vers du périscolaire. C'est pas si facile à faire. Hein. Sur le papier, c'est facile, mais c'est pas facile. Donc ça, c'est important de le préciser. Après, on va apporter plus de services. Moi, je tiens à le préciser, transport en commun. Janvier 2019 vont commencer des transports en commun sur Châtillon, sur Lancran. Alors c'est un début, mais ça c'est une première réalisation. Deuxième réalisation, Régis l'a très bien dit, on va dire l'immeuble c'est les Alpades. Je suis en réunion de quartier, il y a des gens qui viennent de cet immeuble-là. Alors effectivement, il y a une problématique d'école. À la porte droite ou gauche, je suis à Bellegarde. L'autre, je suis à Lancran. C'est facile à régler. Attendez, mais je vais jusqu'au bout parce que c'est pas ça. Ils m'ont dit, on a un souci. Ce carrefour extrêmement dangereux. Il y a un camion Iveco toujours mal garé. Il y a les poubelles qui sont jamais rentrées. Vous êtes le maire de Lancran, excusez-moi. Vous me posez des questions qui sont sur le territoire de la commune d'à côté. Donc, je vais en référer au maire. Honnêtement, c'est une commune nouvelle. Ce quartier, on va le regarder de près parce que cet embranchement de rue, il est dangereux et que c'est bien une vision commune qui va faire qu'on apporte les bonnes solutions. Donc ça, c'est un exemple concret. Et après, la mairie, moi, j'aime bien cette idée de mairie parce que moi, j'appelle souvent la maison du peuple. Et on va la redonner au peuple. Parce que pourquoi ? Parce que nous, dans la mairie de Lancran, on est en train de tout bouleverser pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Se pose aujourd'hui la question de la flexibilité de l'utilisation de cette mairie. Donc on va avoir un premier étage où on va recevoir les gens pour l'état civil, ce qu'on fait aujourd'hui. Mais par exemple, la salle du conseil. Demain, la salle du conseil, on n'a pas lieu de la garder. Donc, qu'est-ce que la salle du conseil demain, quand je dis demain, c'est entre septembre et décembre. Est-ce qu'on n'en transforme pas aussi en bibliothèque? Est-ce qu'on n'en transforme pas aussi pour les associations pour faire leurs réunions? Ça aussi pose la question d'apporter plus de services à nos populations et de rendre nos structures plus flexibles dans l'utilisation. Donc ça, c'est des exemples concrets qui sont aussi amenés par la commune nouvelle. Concernant le personnel, bien sûr, pas de licenciement, hein, puisque nous avons affaire à des fonctionnaires territoriaux, et voilà. Mais certainement des modifications de postes en interne. Simplement une petite remarque, nous on est allé au-delà de la commune nouvelle puisqu'on a mutualisé nos services et on est en train de le faire, ça nous a occupé durant ces quasiment deux dernières années, une mutualisation très forte entre les services communautaires et ceux aujourd'hui de la ville de Bellegarde. On a fait un constat, avoir des directeurs en nombre, il faut mieux en avoir un qui puisse s'appuyer sur des services on va dire efficaces et compétents. Voilà, se structurer indépendamment, de sans regarder ce qui se passe autour, ça aurait été une aberration. Hein. Le citoyen, il veut de l'efficacité. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Nous, Châtillon, on arrivait à 4000 habitants. 4000 habitants, ça nous impose une organisation administrative tout autre. On est soumis à des contraintes énormes. On s'est posé la question, est-ce qu'il faut réembaucher du personnel, restructurer nos services administratifs ou aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et profiter du savoir de gens qui sont là, hein, près de nous, et mutualiser. Et c'est ce qu'on a fait. On a regroupé, on se regroupe pour être plus efficace. Voilà. C'est une autre vision. Il y a 20 ans en arrière, on ne se serait certainement pas posé la question. On aurait rembauché du monde. Pourquoi ? Parce qu'on avait une facilité pour payer les gens. Demain, avec ces baisses de dotation, on doit à chaque fois se poser la bonne question. Et nous, depuis 6 mois, avec mes collègues, on avait gelé tout recrutement dans nos communes. En disant, on ne va pas commencer à recruter du personnel si demain, avec la commune nouvelle, on a des gens sur certains postes en doublon, en mutualise. Donc on s'est imposé ça. Et on est en train de regarder effectivement l'affectation. Et moi, je peux vous dire, par exemple, sur Châtillon, en comptabilité, moi, j'ai Patricia qui attend avec beaucoup d'impatience de descendre au service comptable. Aujourd'hui, elle travaille toute seule. C'est pas évident. Elle doit tout connaître dans son domaine. Demain, elle sera au sein d'une équipe et c'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus réaliste et surtout beaucoup plus efficace. Voilà. Et ça, on peut faire la liste dans tous les domaines. Voilà. Hein, c'est difficile d'être tout seul dans son coin sur un sujet vraiment particulier. Potentiel. Alors moi, je vais juste rappeler quelque chose, c'est qu'effectivement, l'Ancran aussi, depuis un an et demi, fait partie de ces services support. Services support, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a externalisé les fonctions RH, les fonctions finances, les fonctions juridiques et marché public, qui sont des fonctions très spécialisées. Et je dois le reconnaître que, d'abord, c'était une bonne vision d'avoir fait ça. Mais moi, en face, j'ai des gens extrêmement compétents qui aiment leur travail, qui sont disponibles et qui font gagner de l'argent au contribuable. Quand vous avez un bon directeur financier, il vous fait gagner de l'argent, un bon directeur financier. Quand vous avez quelqu'un qui, juridiquement, sait de quoi il parle, sait organiser les marchés publics, vous fait gagner du temps, de l'efficacité, ça, c'est de l'argent. Quand vous avez des bonnes personnes au RH, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un meilleur dialogue avec votre personnel. Vous pouvez mettre en place le RIFSET, qui est pour une commune sans RH compliqué à comprendre. Vous pouvez mettre une autre en place, c'est quelque chose qu'on va mettre, des objectifs, mais ça veut dire des primes sur objectifs. Vous pouvez jouer avec toutes les ressources humaines peuvent vous apporter parce que vous avez des gens qui sont compétents, qui vous conseillent, qui écoutent le maire. Puis des fois, le maire dit, et les élus disent non, c'est pas comme ça qu'on veut faire, l'objectif c'est ça. Mais ils vous trouvent des solutions. Et aujourd'hui, il faut le dire, c'est comme dans une entreprise. Hein. C'est pas parce qu'on parle de public ou de privé. Dans une entreprise, vous avez des gens qui sont à 200% impliqués et qu'il faut freiner parce qu'ils déconnectent jamais. Puis vous avez des gens qui sont nettement moins impliqués. C'est pareil quand vous parlez d'une administration, c'est la même chose. Mais moi, je peux le dire, c'est que sur les services support, qui sont communautaires, on a des gens extrêmement compétents, extrêmement impliqués et qui savent écouter les élus. Donc ça, c'est important de le dire. Hein. Et la commune nouvelle va nous permettre, comme tu l'as dit, Patrick, hein, sur le déneigement, on aura des renforts. Quand on a une opération chemin, comme on a eu une opération chemin où on balise nos chemins, Chris, chez nous, avec Anthony, ils font du bon boulot, il faut aussi le dire. Mais enfin, ils sont deux sur une commune qui est extrêmement large. Donc, ça va permettre de flécher les travaux, d'avoir du renfort, d'être plus efficace. Nous, nos concitoyens nous attendent, c'est logique, hein, ils nous attendent beaucoup sur la dépense publique. ils ne supportent plus l'idée que les collectivités s'engagent sur des dépenses inconsidérées. Et l'émergence des communautés de communes, il y a 20 ans, et l'incapacité sur les territoires, ou l'absence de volonté des élus de fabriquer de l'administration commune, elle s'est traduite en France par la création de 900 000 postes nouveaux de fonctionnaires publics, territoriaux. Faut l'avoir en tête, ce chiffre. Et nous, le mouvement qu'on a mis en œuvre depuis 18 mois, qu'on a donc eu la chance d'expérimenter avant la Commune Nouvelle, c'est un mouvement de mutualisation. On aura demain qu'une seule administration qui se partagera entre la Commune Nouvelle, ses 17 000 habitants, et qui sera par ailleurs au service des compétences de la communauté de communes. On l'a expérimenté, on sait que ça fonctionne. Christophe vient de le dire. Les services ressources humaines de la ville de Belliard sont au service de la commune de Lancran depuis de nombreux mois. C'est pareil pour les finances, c'est pareil pour le juridique. Patrick n'aurait pas pu forcément engager une responsable de service juridique. Ça coûte extrêmement cher. À notre nouvelle échelle, c'est complètement digérable. Et ça aussi, c'est un exemple de mutualisation. Quelque chose dont on parle moins, qui est un peu plus tabou, j'en profite pour le dire, le mouvement de la création de la commune nouvelle en 2020, c'est 100 000 euros d'indemnité d'élus en moins sur le territoire tous les ans. C'est bien ce qu'attendent nos concitoyens. Donc on ne peut pas nous reprocher ce mouvement et en même temps nous attendre sur l'idée d'être extrêmement vertueux sur la dépense publique. Ce mouvement et cette création, ça va dans le sens de la dépense publique. Optimiser. Alors, on peut aussi compléter sur l'eau. Parce que l'eau, vous savez, nous, on a fait aussi un mouvement il y a quelques années où on est passé en direct. Et donc, Lancran aujourd'hui gère l'eau directement. Et effectivement, c'est rattacher les services de la régie de Bellegarde sur les points techniques. Moi, je vais la féliciter, mais Amandine, elle se reconnaîtra dans mon discours. Encore une fois, quelqu'un d'extrêmement compétent sur le terrain. C'est la responsable du service eau et assainissement de la ville de Bellegarde, hein. Amandine, tout le monde ne la connaît pas forcément. On lui fait la bise si elle nous écoute, mais quelqu'un d'extrêmement compétent, qui est passionné par ce qu'elle fait. Alors, comment ça se passait avant? Vous aviez une commune. Alors moi, je dis souvent, hein, vous savez, le maire, au moins, il est souvent incompétent sur beaucoup de sujets. Enfin, moi, je ne suis pas un ingénieur en hydraulique. Quand je parle à des ingénieurs en hydraulique qui viennent de cabinet, qui disent « Mais vous savez, il faut faire un nouveau réservoir. Mais vous savez, il faut contourner ce réservoir. Il faut faire ci, il faut faire ça. » Vous ne pouvez que ne les croire. Et puis quand ils vous disent « C'est 200 000 euros de travaux, parce que c'est de ça dont on parle pour mettre en conformité le nouveau réservoir. C'est encore 200 000 euros de travaux. Ben » là, je tiens à le dire, c'est que souvent, ce que vous ne savez pas, ben, je vais aussi le féliciter, Benjamin Vibert, qui est aujourd'hui au sein du Conseil, il est presque à plein temps sur cette mission-là. Il a aujourd'hui Amandine Doudou et tous les services qui, aujourd'hui, vous avez des gens, un élus 200% impliqués, vous avez des services techniques Lancranais qui sont belgardiens, belgardo-lancranais, qui sont 100% impliqués et qui, face à des cabinets d'études, leur répondent en disant « Attendez, vous n'allez pas nous prendre pour des couillons, on sait aussi de quoi on parle et ce n'est pas ça qu'il faut faire ». Les économies, elles se chiffrent par dizaines de milliers d'euros. Et après, vous avez la connaissance de votre réseau. Vous savez ce que vous avez fait sur votre réseau. Ben ça, alors, j'aime bien parler des réseaux parce que tout le monde s'en fiche, parce que c'est souvent, ça ne se voit pas. Mais enfin, c'est demain, l'eau potable et la gestion de l'eau, par exemple, c'est extrêmement important. Il faut reconnaître que sur ces domaines-là, si vous êtes une petite commune, vous ne savez pas de quoi vous parlez, les cabinets techniques vous coûtent une fortune et vous font faire souvent des bêtises. Une question à Patrick. L'eau, ça va se passer comment pour Châtillon? Alors l'eau, vous savez qu'on est dans une période de transition aussi, puisque 1er janvier 2020, c'est la communauté de communes qui va récupérer l'ensemble du service des eaux, mais Bellegardien, mais de toutes les 15 communes. Aujourd'hui, on a dénoncé le contrat avec Veolia et on travaille aujourd'hui en prestation de service avec cet organisme, hein, qui, et avec les futurs services communautaires, hein, aujourd'hui régie bellegardienne, sont en train de travailler ensemble. Par exemple, la relevée des compteurs s'est faite en doublon. Hein, on est en train de faire cette transition. C'est un sujet sur lequel on a eu l'occasion de délibérer en conseil communautaire. Hein. Moi, j'avais volontairement mis à l'ordre du jour pour demander à mes collègues autour de la table s'ils étaient toujours d'accord pour transférer en 2020 cette compétence, hein, parce que il y a eu aussi de ce côté-là, au niveau de l'Assemblée nationale, un discours un petit peu voilà mi-fig mi-raisin, où on donnait la possibilité de reporter en 2026. Et la majorité, hein, je ne dis pas l'unanimité, la majorité a validé le fait qu'en 2020, après une dernière et ultime délibération, le transfert se fera. Ce transfert, il va aussi s'accélérer vers les services de la future commune qui vont être administrativement transférés à la communauté de communes. Ces services administratifs seront au service de l'ensemble des communes de la communauté de communes. Parce que moi, je n'oublie pas dans nos discussions les autres maires et les autres habitants des autres communes qui pourraient se sentir un petit peu étouffés. Hein. Régis dit toujours, la commune Valserone va représenter 17-22e, mais il faut penser aux autres. Et cette manière de fonctionner permettra aux autres communes, ici ou là, hein, de bénéficier d'un service à leur demande. On ne va rien imposer. Hein. Ce sera vraiment une organisation à la carte. Comment on va le faire, par exemple, et on en a parlé avec Régis, sur la police municipale. Oui, la police municipale, demain, sera effectivement celle de la future commune Valserone. On va réunir jeudi soir les autres maires hein, pour savoir s'ils veulent, oui ou non, intégrer notre organisation. Puisqu'à ce moment-là, ça aura des incidences en recrutement, en renforcement d'équipe, en organisationnel. Voilà, donc on anticipe les choses. Alors, on ne va pas les mettre, on va dire, sous le fait accompli. Hein. Certains voudront peut-être venir tout de suite, d'autres dans un an. Ils seront libres. Voilà. Mais moi, je n'oublie pas, on va dire, nos autres collègues. Notre force, c'est effectivement sur chaque sujet, et vous pouvez le vérifier au Conseil communautaire, d'avoir quasiment l'unanimité sur les dossiers. Et je peux vous dire qu'on est regardé par nos collègues du Pays de Gex, par nos collègues de la Haute-Savoie, parce que aujourd'hui, j'allais dire, la machine communautaire s'est mise en route et s'accélère avec des projets qui vont sortir très vite maintenant de terre. Voilà. Et là aussi, on impressionne. Et c'est marrant parce que nous, on n'en a pas toujours la conscience. Mais quand on va dans d'autres territoires, Régis était hier à Archamps, voilà, ces questions, elles arrivent. Mais comment vous avez fait pour vous organiser, pour mettre en place une communauté de communes qui est certes petite, mais très active et très efficace, voilà, et très réactive. Voilà, c'est une force du territoire. Patrick, vous évoquez la police municipale, ça me vient à l'esprit. Est-ce qu'elle va être employée par la communauté de communes ou par la nouvelle commune ? Aujourd'hui, la règle est simple, c'est la commune, puisque la loi ne nous permet pas encore à ce stade-là d'organiser une police intercommunale. Mais on peut aussi se fixer un objectif à 5 ans, je ne sais pas, ou à 3 ans, que cette police devienne intercommunale. Si vous avez autour de la table l'ensemble des maires qui sont favorables et qui se disent « OK », on peut très bien, dans un premier temps, travailler par des conventions. Et il arrivera un moment où on se posera la question si, effectivement, il n'y a pas un intérêt communautaire sur le sujet. La loi est en train d'évoluer. Encore il y a 15 jours, les députés ont mis à l'ordre du jour des choses pour permettre, effectivement... Parce que là, on travaille sur, effectivement, la compétence du maire, hein, sa compétence de police du maire. Aujourd'hui, ce n'est pas le président de la communauté de communes qui a la compétence, d'accord ? Il est compétent dans des domaines de police, mais par exemple, les déchetteries, des choses comme ça. Mais pas la police, il n'est pas... Le président de la communauté de communes n'est pas officier de police judiciaire. L'Ancran n'a pas de police municipale aujourd'hui, par exemple. Non. Alors, la question a été posée à un moment donné en communauté de communes, si on voulait élargir la police municipale. Moi, j'avais été très clair là-dessus. J'allais dire que, un, je ne suis pas là pour remplacer la gendarmerie. Aujourd'hui, la gendarmerie, oui, mais aujourd'hui, vous savez, souvent, on intervient sur des problématiques parce qu'on oublie simplement que l'État ne donne pas les moyens à ses propres forces de l'ordre. Donc on vient de nous dire que la police municipale aujourd'hui c'est obligatoire pour faire un certain nombre de choses qui avant étaient faites par la gendarmerie. Donc mais surtout, c'est un coût de fonctionnement. Encore une fois, pour une petite commune comme l'Ancran, ça représentait, on va dire, peut-être 20-30 000 euros de coût de fonctionnement par an. Alors voilà, à un moment donné, vous gérez un budget, vous regardez les services. Mais la commune nouvelle, et ça c'est important, elle va répondre à une demande très forte des citoyens, c'est-à-dire que ceux qui se garent sur les trottoirs... Alors moi, ce que je fais, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on met des petits mots. « S'il vous plaît, veuillez vous garer sur des places appropriées, etc. » Donc ces gens-là qui n'écoutent pas, qui sont une minorité, mais qui embêtent la grande majorité qui fait attention, ben, ils vont être verbalisés et leur voiture, au bout d'un moment, elle va aller en fourrière. Ben ça, c'est un avantage de la commune nouvelle. Vous faites des parcs. Vous faites des aires pour les enfants. Vous avez des familles. À Lancran, on a beaucoup nettoyé les parcs, etc. Le parc du Pissou, vous voyez des familles. Vous avez deux, trois personnes qui n'ont pas compris, malgré les sacs à caca, des petits toits. Non, ils vont faire leur crotte de chien en plein milieu. Ben, la police municipale, elle va pouvoir intervenir. Et puis après, à Bellegarde, comme à Lancran, on le sait, parce que les citoyens... Écoutez, il y a monsieur Intel ou une pedante de petits jeunes, à chaque fois que vous leur dites un truc, c'est les grands bras d'honneur, etc. Donc c'est encore une minorité qui conduisent en sens interdit, etc. Ben, la police municipale a l'objectif d'intervenir là-dessus. Ça veut dire quoi? Et je termine là-dessus. C'est que je pense que c'est un objectif commun d'assurer un service de proximité via la police municipale. Ça veut dire renforcer la police municipale. Voilà, c'est ça, c'est et ça veut dire aussi lui apporter les moyens des objectifs que les élus vont lui fixer. Parce qu'il n'y a rien de tel aujourd'hui de fixer des objectifs sans donner les moyens aux agents qui doivent exécuter la mission. Mais encore une fois, rappelons-nous que pour un petit village, quand on s'est posé la question, qu'aujourd'hui, il y a quand même des forces de l'ordre sur notre territoire qui sont dépendantes de l'État et que malgré toute la bonne volonté de la gendarmerie, quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas assurer des missions qui sont des missions au plus près des citoyens. Et aujourd'hui, la commune nouvelle va nous permettre, nous, d'assurer cette tranquillité de proximité pour que la majorité qui respecte les règles et qui veut vivre ensemble, le bien vivre ensemble, puisse le faire tranquillement. Oui, on est plutôt dans le bon calendrier parce que notre chef, nous, est parti à la retraite, décidément. C'est une manie. Le chef Pichon, qui était un très très bon chef, est parti donc il y a deux ou trois mois. On a volontairement différé, dans la perspective de la commune nouvelle, par anticipation, on a différé le recrutement du futur chef, ce qui est acté aujourd'hui. Et il sera demandé à ce futur chef de construire ou d'évoquer les conditions d'un recrutement, parce qu'effectivement, on est sous-dimensionné aujourd'hui. La délinquance qui nous occupe au quotidien, qui mobilise même 80% de notre énergie, que ce soit à Arlo, que ce soit à la papeterie, que ce soit au cœur de Lancran, que ce soit dans certaines parties bien précises du territoire de Châtillon. Cette délinquance, elle nous occupe énormément. Elle est très mobile. Elle ne s'arrête pas aux frontières géographiques et communales. Ça aussi, c'est une vertu. Ce sera notamment une des grandes vertus d'une police municipale devenue intercommunale, en s'affranchissant des limites de nos périmètres respectifs. Mais en effet, il faudra qu'elle soit beaucoup plus musclée. Il faudra qu'elle recrute, bien sûr. Mais en tout cas, on partagera ces périmètres de recrutement et on partagera aussi ces financements. On n'aurait pas pu le faire seul, alors que c'est une nécessité. Mais tous ensemble, on pourra exprimer des ambitions plus solides en matière de, sur une problématique qui occupe beaucoup nos concitoyens. Moi, je le conçois. On est en kikiné. Et Christophe vient de le dire, on ne devrait pas. Faut quand même se rendre compte qu'il y a 3% d'ahuris. J'y vais franco. J'ai passé l'âge de prendre de parler la langue de bois. On a 3% d'abrutis qui, ici ou là, cristallisent, cannibalisent l'espace public et font que le vivre ensemble ne peut pas s'exprimer. Et on ne sait pas régler ce problème. Et on a une réponse de la justice qui est extrêmement décevante, de plus en plus décevante. On nous dit que les tribunaux sont encombrés. On observe que 95% des affaires sont classées sans suite. Et au quotidien, il n'y a pas un élu qui vous dira être satisfait. J'évoquais ça avec le maire de Gex il n'y a pas très très longtemps. Il a les mêmes problèmes au cœur de la ville. C'est très psychologiquement, ça atteint tout le monde, quoi. En particulier les élus, mais tous nos concitoyens aussi. On ne peut plus vivre tranquillement. Donc, la gendarmerie fait le maximum, en effet, mais cette réponse-là, il faudra l'apporter par un complément d'activité d'une future police municipale redimensionnée. J'ai un autre exemple qui est, dans tout ce qui vient d'être dit, la commune nouvelle, elle nous permettra de reprendre en main aussi nos politiques. Pendant un siècle, tous les élus belgardiens ont voulu garder le contrôle de l'eau et de l'assainissement. Ils n'ont jamais confié au privé, ce sujet. Christophe l'a très très bien illustré. Et en commune nouvelle, c'est aussi l'idée que ces pratiques, ces bonnes pratiques qui ont été des pratiques bellegardiennes, elles pourront se diffuser non seulement à la commune nouvelle, mais à la communauté de communes. Voilà, on va aussi s'enrichir. À l'inverse, on va apprendre de nos collègues voisins des pratiques qui n'ont pas été les nôtres jusque-là et qui pourraient nous amener à évoluer d'une manière collective, hein, sur un certain nombre de sujets. Je pense qu'il faut vivre l'étape de la commune nouvelle comme une démarche très, très, très euphorisante de remise en question d'un certain nombre de sujets pour aller vers une aventure nouvelle, sans nostalgie. Sans nostalgie, ça va être difficile pour les anciens que nous sommes. Oui. Mais bon, on va faire je avec. Je vais te prendre un exemple. Non, bah, que le maire... Moi, je suis très heureux que la commune nouvelle... Le maire de Châtillon l'a vécu aussi. Nos footballeurs avaient l'habitude de vivre leur passion à Jacmet. Je le dis parce que tu étais aux premières loges. J'y suis toujours. Mais bien sûr qu'il y a eu à dépasser cette nostalgie de migrer vers de nouvelles installations. C'est pareil pour Patrick plus récemment, hein, avec de nouvelles installations sportives. Mais la nostalgie, ça se dépasse si la démonstration est faite que les choix ont été pertinents, que chacun a bien pris le sens de ce nouveau territoire, chacun s'y retrouve par des politiques de proximité ou des politiques plus transversales, hein, plus globales aussi. Moi, j'ai vu, je reviens à la journée des associations, et Patrick me racontait la même chose à l'inverse. Aujourd'hui, vous pratiquez sur les milliers de participants du Forum des associations à Bellegarde. Moi, j'ai pas vu que des Bellegardiens. Hein. J'ai même vu tout le territoire. Même Patrick, à l'inverse. Il ne faut pas croire que les associations châtillonnaises sont introverties, repliées sur elles-mêmes. Il a vu des tas de Bellegardiens au forum châtillonnais. On avait beaucoup d'associations de Bellegarde qui sont montées. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nos salles sont très occupées par les associations bellegardiennes. Et dans chaque association, il y a un minimum de 50% de gens de Bellegarde. Je veux dire, voilà, donc on vit ensemble. On a bien compris le fait. Voilà, on vit ensemble. Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est pas parce qu'on se réunit qu'on abandonne certaines choses, notre passé. Moi, je suis né à Châtillon. Je le disais encore l'autre jour à quelqu'un qui me disait, mais pourquoi je suis né à Châtillon, à la clinique de Châtillon. Alors, pas la nouvelle, hein, pas celle qui vient d'ouvrir, mais l'ancienne, la clinique Bonici, précisons. Oui. J'ai jamais quitté mon village. Je l'ai quitté pour aller habiter Vouvray. Vous pouvez demander à mon épouse, ça n'a pas été simple non plus de me faire bouger de Châtillon à Vouvray. Il a fallu quasiment 2 ans, mais aujourd'hui, j'y suis très heureux à Vouvray. Mais voilà, je veux dire, je n'ai jamais quitté. Donc, loin sans moi l'idée de s'aborder ma commune. Au contraire, cette décision, elle est faite pour la maintenir. Maintenir les services, Christophe l'a dit, les amplifier. Vous savez, on doit compter que sur nous-mêmes. On ne doit pas compter sur les services parisiens de l'État. Je le dis très clairement. C'est à nous de nous organiser. C'est à nous de prendre en main notre destin, être acteurs de notre destin. C'était le slogan qu'on avait mis en avant. Parce qu'on sait très bien que c'est à cette échelle locale que tout va se passer. Voilà, c'est fini, les grands services parisiens. Régis disait que la fonction publique territoriale a embauché du monde. Mais pourquoi elle a embauché du monde? Parce que les services de l'État ont fermé. On prend l'exemple, par exemple, d'instruction des permis de construire. Avant, c'était l'État qui gérait pour nous, les communes de moins de 5000 habitants. En 6 mois, il a fallu qu'on mette en place un service intercommunal au service des communes pour pallier, on va dire, du jour au lendemain, ils sont partis. Et on peut faire l'inventaire. Voilà, ici ou là, les services nationaux ont fermé et ont transporté, on va dire, la charge sur les collectivités. Et il y a quelque chose qui me faisait plaisir l'autre jour dans la réflexion du président de la République, Macron, en se disant, mais on a fermé des services, mais on a laissé beaucoup de gens qui sont là dans ces services et qui ont une vision. Il faut que chaque fois qu'un service d'État est transporté, on va dire, dans une collectivité, que l'État ferme ce service et ne laisse pas des fonctionnaires ici ou là pour contrôler ce qu'on fait. Voilà. Si on fait une décentralisation, on l'a fait à fond. Et je rejoins Christophe. L'État a demandé beaucoup aux collectivités locales sur l'aspect financier. C'est nous qui avons fait le plus d'économies. Pour quel résultat? La dette de la France est passé de 2200 milliards à 2300 milliards. Je veux dire, voilà, on a amplifié la dette et nous, ça nous a mis à mal. Je vous rappelle quand même que les collectivités, c'est 72% de l'investissement. C'est nous qui faisons travailler les entreprises. C'est nous qui faisons travailler le BTP. Et on est en train de nous mettre en difficulté. Mais on ne marche pas sur la tête en France. Il y a un moment, il faut se prendre les bonnes décisions. Je veux dire, moi, j'ai rien contre les députés. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Hélène Blanc. Et quand il était député, j'ai dit, à un moment, il faut arriver à faire comprendre en haut lieu que les décisions, elles doivent être pragmatiques. Voilà, stop. Autrement, on n'y arrivera pas. Comme nous, on fait dans nos collectivités. Parce que nous, le citoyen, quand ça ne va pas, il vient taper à la porte ou il nous envoie un mail rapidement et on répond. Voilà, c'est toute la différence. Vous savez, vous avez juste un exemple pour conforter le délire, le maquis du règlement et de la norme. Ça vous coûte 25% de plus sur tous les sujets. On a été obligé, nous, d'installer, par exemple, dans le vieux théâtre Jeanne d'Arc, un ascenseur. J'entends qu'il faille rendre tous les espaces accessibles, en particulier sur des nouvelles constructions, ce qui est complètement évident et facile. Mais 300 000 euros pour un ascenseur au cœur du théâtre Jeanne d'Arc, et c'est qu'un exemple. Donc il faut aussi que nos parlementaires se raisonnent. Enfin, chaque fois qu'un règlement nouveau nous est imposé, ça n'éteint pas la réglementation précédente. Ça s'empile. Vous avez des juridictions. Vous avez une juridiction comme l'autorité environnementale. Moi, je suppose qu'ils sont tous très, très compétents. Mais comment voulez-vous que ces fonctionnaires-là nous accompagnent sur un dossier en disant il n'y a aucun problème ? Il faut qu'il y ait des problèmes. C'est le cœur de leur métier. Je ne sais pas si je suis clair. On l'a vécu avec le village de Marc. On pourrait... Je m'en étouffe. On pourrait développer ça pendant des heures. Même si la finalité est juste, l'environnement, c'est... Mais là-dessus, on n'est pas non plus. Mais il faut y prendre du côté positif. Et tu parles du village de Marc. On a nous-mêmes été au-delà de ce que l'État pouvait nous demander pour être vraiment... Parce que c'était une volonté, on va dire, de l'ensemble des élus d'être irréprochable. Mais en perdant beaucoup, beaucoup de temps. Mais on a perdu du temps. Mais voilà, mais c'est comme ça. Quand c'est la loi. Allons-nous voir les premières pelleteuses, Patrick, puisque vous évoquez le village des Alpes. Là, c'est la CCPB, vous changez de casquette quelques instants. Je l'ai en permanence sur la tête. Mais pour l'instant, on communiquera le moment venu. Les choses avancent bien, avancent plutôt bien. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on verra des choses se concrétiser enfin. Simplement pour vous dire qu'on a été rassurés, parce qu'on était toujours en doute. Vous savez, le contexte économique est compliqué. En 2008, il y a eu une crise économique. On en parlait encore l'autre soir en réunion, jeudi. Il y a eu un impact très fort sur les commerces, sur tout ce qu'on peut imaginer. Et nous, on a vécu des périodes d'incertitude. Aujourd'hui, le village de Marc, il est bien réel. Tout est validé. J'ai encore chez le notaire au mois de juillet. Les ventes ont été, signées. Et plus que ça suit son cours, puisque je vous dis, avant la fin de l'année, des choses concrètes vont arriver enfin. Et je le disais tout à l'heure, on va rentrer dans une phase où les projets intercommunaux, communaux, vont se dérouler et se déployer très rapidement maintenant. Et c'est ce que nous demandent nos citoyens. Tu parlais des réseaux sociaux. Ici ou là, les gens se posaient la question. Est-ce que le village est toujours d'actualité ? Mais c'est normal, parce que nous-mêmes avions choisi de ne pas communiquer. Et l'incertitude faisant que les gens en doutaient. À une période, nous aussi, on a douté avec Régis et Christophe. Mais aujourd'hui, tout est en phase. Tout est sur les rails. Et voilà. On va arriver au terme de cette émission. Encore une question. Pose ta question. On est bien. Il fait bon ici. Il fait un peu chaud. Il fait froid en arrivant. Là, je peux vous dire que j'ai chaud et ça va bien. Alors, j'ai un de mes amis qui m'envoie quelques SMS qui me disait Christophe, t'es fatigué, finis tes phrases. Effectivement, j'ai une de ces semaines où j'ai dormi 4 à 5 heures par nuit. Voilà. C'est l'activité. Ouais. Vous avez choisi. Je me plains pas du tout. Mais vous savez, mon épouse et mes enfants, c'est autre chose. Mais je me plains pas du tout. Simplement, ce que je dis souvent, c'est que quand vous avancez sur votre territoire, et moi, la commune nouvelle est un sujet extrêmement positif parce que on est dans l'anticipation de l'avenir pour nos concitoyens. Ceci étant dit, la nature de chacun. Moi, je suis un de ceux qui ont du mal à fermer la porte de la mairie ou fermer la porte du travail. Et le cerveau, indépendamment, il fonctionne et il m'empêche parfois de dormir. On arrive au terme. On n'a pas tout débattu, loin s'en faut. Mais on invite les belles gardiens, les belles gardiennes, les valseronois et les Valserronoises à consulter le site de la communauté de communes où effectivement des communes, des trois communes qui sont toujours en exercice aujourd'hui et qui le seront jusqu'au 1er janvier 2019. La dernière, toute dernière, si vous voulez bien y répondre, vous avez droit à un joker dans cette émission. Qui sera le nouveau maire de la communauté de communes au 1er janvier? Je crois que tu peux passer à la question suivante. Bon. J'invite les gens à venir le 6 janvier prochain à la salle des fêtes de Châtillon pour assister en direct à son élection. Alors, tous les conseils municipaux qui existent aujourd'hui seront réunis à la salle des fêtes. Oui, particularité de cette phase de transition l'année 2019 et les premiers trimestres 2020, c'est que l'ensemble des conseillers municipaux de chacune de nos anciennes communes seront conduits dans leurs fonctions et effectivement siégeront au sein de ce conseil municipal. On sera exactement 69. C'est un grand conseil municipal. On l'a pas choisi, mais très grand conseil municipal. Charge à nous de mettre en place des organisations fonctionnelles et surtout opérationnelles pour que les choses se passent bien. Mais en 2020, suite à l'élection, il n'y aura plus que 35 conseillers municipaux sur cette grande commune de Valserone, 17 000 habitants. Et effectivement, c'est là aussi qu'il faudra être bon, parce qu'à 35, il faudra faire le travail de 69 ou 70. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on organise un petit peu notre territoire en fonction de ses superficies. L'Ancran fait 15 km², Châtillon 37, la ville 109. Donc il faut aussi qu'on ait une cohérence d'organisation. Mais c'est aussi un travail qui nous intéresse beaucoup. Voilà. Donc ça veut dire que vous êtes tous les trois candidats? On est un candidat. C'est la dernière question. Que tous les trois, on sera présents. On est surtout candidat à faire en sorte que les choses se passent bien. Bien. Voilà. Nous avons compris. On arrive au terme. Il y a eu deux, trois coups de fil à la radio. Concernant le. On va terminer cette émission. Êtes-vous au courant qu'un village de marque va s'implanter à Épagny? C'est pas un village de marque, c'est une autre organisation. Mais j'allais dire, peu importe. Aujourd'hui, nous, vous le savez, et c'est ce qui fait le succès de notre village, c'est que nous sommes très près de Genève. Le promoteur a refait, on va dire, tous ses calculs de rentabilité, tout ce qu'on peut imaginer, en prenant en compte la zone frontalière, bien sûr, mais également les Genevois. Et nous, notre village, il sera unique. On va vers une qualité de produits et d'architecture qui éteindra, à mon avis, tous les autres projets dans un très grand rayon autour de nous. Voilà, c'est assez cocasse, d'ailleurs, ce que tu viens de dire, Robert. J'adhère complètement à ce qu'évoque Patrick. Il faut savoir que s'il y a des velléités sur Épagny, alors moi j'y crois pas une seconde, parce que il n'y a pas de place pour plus de deux villages de marque à l'échelle de la région Rhône-Alpes. Il y en a un qui vient de démarrer sur Villefontaine, au sud de Lyon. Et il y aura un village beaucoup plus qualitatif encore sur le territoire du pays belgardien. Il n'y a pas de place pour un troisième modèle. C'est quand même cocasse que ces perspectives soient évoquées sur Annecy, quand on sait la capacité, à l'époque, de combat qu'Annecy avait développée pour tuer, on ne vous a jamais tout raconté, sans doute qu'on gardera ça pour nous. On va écrire un livre, en fait. Mais la charge avait été violente. Aucune inquiétude. Après, moi, j'avoue que je n'étais pas au courant, mais peu importe. J'ai toujours dit, quand les gens attaquaient le village de marque du pays belgardien, que c'était un syndrome français. C'est qu'on a peur de voir des grues sur le territoire du voisin, parce qu'on en était arrivé là. Or, moi, ça ne me fait pas peur de voir des grues. Je souhaite qu'on voit des grues de partout, parce que ça voudra dire que notre pays se porte bien. Et que si vous voyez des grues chez votre voisin, c'est peut-être que son rayonnement ira jusqu'à chez vous et que vous aurez aussi des grues. Donc à un moment donné, un petit message à ceux qui nous écoutent en Haute-Savoie ou dans l'Ain, faisons en sorte que sur tout notre territoire, on ait des grues et que notre pays reparte, parce que les gens, sur ce territoire, mais de partout en France, ils aiment le travail. Au contraire de ce qu'on voudrait leur faire croire. Et il faut simplement leur en donner. Je pense que ça, c'est important. Et la commune nouvelle, elle est extrêmement positive, elle est vertueuse sur beaucoup de sujets. Et on ne donne pas de leçons aux autres. Mais par contre, on va peut-être dire un certain nombre de vérités. Dans ce pays, il faut revoir des grues et qu'ils en aient. Et nous, on est ravis et on en aura mais aussi de notre côté. Cela dit, enfin, si, rapidement, hier dans le cadre du pôle, d'une réunion du pôle métropolitain, qu'est-ce qu'on entend sur notre territoire ? Qu'on a une gare de 1 200 000 passagers, que demain c'est la clé pour rentrer sur Genève, Genève qui va se fermer littéralement à la voiture. Ça, c'est un des arguments les plus solides du pays belgardien dans le cas de la dynamique de la grande métropole du Grand Genève. Qu'on a deux échangeurs autoroutiers. Parce que nous, on associe nos amis de la SMIN à la dynamique économique globale du territoire. Ces deux échangeurs, ils sont à 5 km l'un de l'autre. Chaque zone économique a ses atouts. On va développer autour du village de Marc d'abord une zone dédiée à la santé qui ne peut pas manquer de grandir. Le village de Marc lui-même, c'est plus d'1 500 000 visiteurs par an. Ça va créer un appel d'air pour d'autres activités. Sur la SMIN, ils sont très, très dynamiques aussi de ce point de vue. C'est une richesse, comme le dit Christophe, observer les grues depuis le pays belgardien sur le territoire haut-savoyard de la SMIN, c'est très encourageant aussi. Ça va profiter absolument à tout le monde. Donc, ce qu'on entend aujourd'hui à la périphérie du pays belgardien, c'est que nos atouts, ils sont considérables. Et on commence à être envié ce qui est nouveau, hein. Je vous garantis que quand on parlait de Bellegarde en particulier, on parlait alentour d'une image très dégradée. C'était encore vu depuis le viaduc. Comment était-il possible de vivre à Bellegarde ? C'est plutôt ce qu'on entendait. C'est encore d'ailleurs ce qu'on entend souvent. Hein. Le travail reste immense. Hein. Mais on travaille. Enfin, on travaille. Et puis surtout, j'allais dire qu'il y a une sorte d'intelligence collective. Parce que vous savez, quand on fait une commune nouvelle, à un moment donné, il faut savoir écouter, il faut savoir se mettre en retrait. Le retrait du leadership, c'est pas donné à tout le monde, hein, de se mettre en retrait. Donc je pense qu'il y a une intelligence collective qui est en train de se mettre en place. Et je pense que ça fait peur un peu. Parce que quand vous regardez les territoires voisins, ben, il n'y a peut-être pas autant d'intelligence collective, c'est-à-dire de travailler tous dans le même but, et en commun, sans essayer d'écraser son voisin. Je vois qu'il y a beaucoup de destinées individuelles, mais je ne vois pas beaucoup de destinées de territoire. Ben, sur ce pays belgardien, aujourd'hui, il y a une intelligence collective pour le territoire. Je pense qu'effectivement, beaucoup de nos élus nous regardent. Moi, je voudrais, parce que je ne l'ai pas fait, et vu que vous allez arrêter l'émission, remercier aussi l'administration. Et je voudrais avoir une pensée pour notre sous-préfet. Et je sais qu'il est en convalescence. Mais encore une fois, on avait un très bon sous-préfet qui a été remplacé par un autre très bon sous-préfet. Et il faut le dire aussi, c'est que l'administration de proximité, ben, elle fait son travail, elle nous aide. Et je lui souhaite un bon rétablissement s'il nous écoute. Je voulais simplement avant remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance, tous les conseillers municipaux, tous les agents aussi de nos administrations, mais territoriales, qu'on a vraiment beaucoup sollicité ces dernières semaines. Donc sûrement pas, parce qu'ils ont pris plaisir aussi à construire cette nouvelle commune de Valserone. Et puis merci à tous les habitants du pays belgardien. Voilà. En tout cas, pour conclure, le débat ce matin a fait débat sur Facebook. Nous a-t-on communiqué ? C'est Ludo, le réalisateur, qui nous a fait passer ce petit mot. Le sujet est très suivi, c'est passionnant, c'est vrai, et c'est pas fini. Et beaucoup disaient ne pas avoir eu vent des réunions et autres permanences. Alors à ces personnes-là, je peux leur dire, écoutez la radio, nous, on donne toutes les informations. Et voilà, Facebook ne donne pas tout. Mais en tout cas, c'était très suivi, c'est très bien. Facebook, la page de Châtillon de Facebook a annoncé régulièrement toutes les réunions. Absolument, donc, absolument. Partager ces pages Facebook de la ville de Belliard, de Lancran et de Châtillon. Voilà. Il reste donc de la pédagogie. Pas de souci. Merci Patrick, merci Régis, merci Christophe, parce que ce n'est pas forcément évident de vous réunir tous les trois. Vous avez des agendas bien compliqués. Puis en plus, ce week-end-là, c'est extrêmement chargé. Tant mieux, ça prouve qu'on est dynamique sur le pays belgardien. Merci à Ludo qui a réalisé cette émission et répondu au téléphone. Guy, merci. On se dit à très bientôt sur cette antenne. Merci à vous. Merci infiniment. L'émission sera rediffusée dimanche prochain, non pas demain, mais dans une semaine à 11h.